Bonjour et bienvenue pour ce premier apéro original. Les gens qui mangent des chips. On va manger des chips. T'entends ? Il y a une bière sur la table. Non, je tiens à Mananus. Les cons entre potes et de s'enregistrer parce que c'est marrant. Alors ça, c'est très tordu mais bougrement intelligent. Merci, inspecteur Gadget. Allez, viens. On est bien. Oh, là, je suis bien. Oh, je bouge plus. Oh, je ne bouge plus. Oh, je bouge plus. Oh, je bouge plus. Oh. Ah. Salut et bienvenue dans le 8.2 de l'apéro original, 8e sérieux. Alors, on ne vous l'a pas dit, je crois, dans le premier, mais voilà, on a fini par se décider sur un nom. Donc ce sera un 8e sérieux, si c'est aussi un format de bière. C'est très convenable, comme dirait l'autre. Voilà. Comme à tous nos enregistrements, on a choisi un nom de bière et le sérieux en fait partie. Ouais, c'est sérieux. Nous, on n'est pas très sérieux. Vous êtes dans un podcast à l'opposé du sérieux. C'est Rosanna Flix. Toi, cher auditeur, tu peux remporter ton abonnement à Rosanna Flix en participant. Putain, à notre... J'avais des bouquets à faire gagner, je les ai pas ramenés. Et bon, on les fera gagner plus tard. qu'est-ce qu'on peut faire? Il y a des rappels d'usage à faire, je crois, c'est ça? Bah, toujours. On commence par les rappels d'usage d'habitude, c'est ça. Donc, on est diffusé sur Pod Radio à une horaire et sur un canal incertain. Allez dessus. Vérifiez la grille des programmes, comme il y a marqué en bas dans l'article. Tu sais, ça sert à rien, ils voient pas le signe que tu fais. Hein. Mais c'est comme sur YouTube, ils font ouais, alors je vais faire une vignette là. Pod de Rennes, les 3 et 4 juin, à l'adresse. Podren.fr. Voilà. Ah non, l'adresse physique ou Les deux. Donc podren.fr pour toutes les informations et c'est 8 allées Léon Lebert. 8 allées Léon Le. Rennes. Lebert. Julien. Rennes. Lebert. Et donc podren.fr pour voir les covoiturages, les participants, peut-être les animations aussi, le programme, je crois qu'il y a. Il y a tout sur le site. Avec moi autour de la table, parce que je vais quand même les présenter vite fait, on a donc Benjir. C'est moi, ouais. Bonsoir. Gandalf 81. Bonsoir à vous. Azertov. Coucou, c'est moi. Wiwish 31. Bouffant. Et Tocheux. Salut. Et donc, dans ce cet épisode, vous allez retrouver notre rubrique de goûtage de bière assez bien houblon. Un coup dossier. C'est marqué Do Quiz. Hein. Do Quiz. Franchement, j'appellerai l'enculerie ça. probablement un dossier, puisqu'il nous a fait un quiz quand même, seulement à l'épisode précédent. Non, c'est un quiz en fait. D'accord. C'est encore un quiz. Le mec ne respecte rien. Il a l'air fier de lui en plus. Non, mais vous allez apprendre des trucs. Donc, ça d'accord. Ouais, bon. Est-ce qu'on va apprendre des trucs avec le taux d'alcoolémie qu'on a? Je pense. Okay. Apprendre ou prendre? On va prendre ou on va apprendre? Ça n'est pas si vous voulez avoir mal au cul ou pas, moi je rien. Non, c'est bon, on a jamais mal au cul avec les slogans, c'est bon. Donc, a priori. On va faire 8.1. A priori, un quiz de Gandalf et un quiz du coup aussi d'Azertov. Ouais, on est joueur. Pour commencer, on va commencer par le commencement. Ouais. Pour commencer, on va commencer par du coup. Ensuite, c'est bien Goublon. Enfin, pour conclure, je dirais que la règle numéro 1 dans un deal, c'est de ne jamais goûter. On va goûter. Pouah ! Allez, boy ! Oh ! Ah, j'ai faim ! Ah, j'ai chaud ! Ah, j'ai froid ! J'ai soif ! Allez, non, on va au fil, les gars ! Pas lorsqu'on va au fil. Encore une fois, tu l'ouvres. Allez ! Je crois qu'il y a comme les gens se liguent. Il y a des. Okay, mais attends, tu l'as foutu quand même, le truc. Ouais, je vais dépiller. Mais tu commences plus à pouvoir décapsuler en partir mais du deuxième épisode. C'est un décapsuleur transformer en fait. On peut faire des Power Rangers alors, avec C'est le Megazord. Alors, fais comme Père Cascor, raconte ta bière. Alors, bah, bon, les enfants. Pour suivre avec le 8.1, moi j'ai. C'est une session bien aromatisée, donc le premier était. Aromatisé, je sais plus à quoi. À l'anus. Aux gingembre, non. Au sperme. Au cognac. C'était au cognac, oui. Ah, et, oui. XO. Heureusement, il y en a qui suivent. Mais j'ai une mémoire. XO, t'as vu ça d'un mois sur l'autre. Alors que moi, toi, là, ça fait une heure qu'on enregistre, je me rappelle pas. Hein. Et donc, je continue crescendo avec une bière aromatisée au rhum. Crescendo, c'est une bière italienne. Ouais. Non, elle s'appelle la Crescendo. Gun. Donc c'est une... Sponsorisé par Trump ? Je suis pas sûr. Non. C'est une Scottish beer. Ah donc elle est écossaise. Voilà, aromatisée au rhum. Du rhum écossais ? Du rhum n'importe écossais. N'importe quoi. Ouais, franchement. Du rhum écossais, normalement on c'est du whisky. Là c'est, du... c'est marqué rhum hein, dessus. Ouais. Du whisky, je couche. Ah bon, on va voir à quoi ça ressemble. Bah c'est liquide déjà, c'est abandonné. Il verse dans son verre. C'est quoi, il y a de relativement peu de mousse, la couleur. De l'ambré ? C'est ambré ça ? De la brune. Hein. Ah, c'est marqué une bière rouge. Rouge de l'étiquette. Rouge, et c'est conseillé. C'est un daltonien qui a pondu ce truc là ou quoi ? Ils disent très bon avec du fromage. Avec du fromage mature. Alors, tiens, je pense que celui-là est bien mature. Il est bien couleur. Gorgonzola, à point coulant. Ça va être nickel. J'ai encore dans le frigo à découper en petits cubes. Mais attends, parce que je t'ai dit, je vais crescendo. Donc j'en ai encore une autre bière aromatisée pour le troisième épisode. Après le cognac et le rhum, qu'est-ce qu'il peut bien faire ? L'alcool à 95. Revenez au troisième épisode pour le savoir. De l'éther. De la bière au pastis. De la bière aromatisée à l'éther. Et je vais passer pas à Gandalf. Ah, oh voilà. Comment je me suis fait niquer ? Je peux le voir que ça m'arrive. Gandalf, il a deux bouteilles à présenter donc. Ah oui. Ah oui, mais ça c'est pour après. Ouais, mais après. Ouais. D'abord on fait la bière, après donc, ils se démerdent. Quoique, je vais être un petit peu dithyrambique au niveau de la bière. Hashtag teasing. Alors que moi, du coup, c'est une craft beer de la brasserie La Débauche, qui est une brasserie angoumoise. Qui n'a rien à dans voir avec. Angoulême, donc. Angoulême, ça. Ouais. Qui n'a rien à voir avec Concombre Masqué, du coup. Oui. Voilà, je vais le préciser. Oui, La Débauche, maintenant je l'ai. Parce que Concombre Masqué, c'est une bande dessinée. Aussi. Comme ouais. Angoulême. Oui, c'est possible. Tout est raccord. Tout est connecté. Ah, c'est ça. Donc ça s'appelle la demi-mondaine. Elle est à... Ah, au fait, femme enceinte, tout ça, on n'a pas dit. Elle est à 11%. Vous voyez un logo, je sais pas ce que c'est dessus. Et c'est femme enceinte déconseillée. Donc, ouais, 11%, la voiture peut la prendre. En même temps, 11 degrés, je te dis, le bébé, il ça rappelle. C'est ça. Le fœtus, il est... Avortez-moi. Ça, c'est approuvé par Fillon. Donc, apparemment, la débauche ne se laisse pas faire. Non. Est-ce le débat même. J'ai fini, non, pas à Gandalf. Non, mais attends, je vais passer. À Benji. Hein. Ouais. Et donc, du coup. Non, mais je suis pas pressé. Hein. Ah, c'est pétrole aussi. Hein. Ah, c'est une soupe. Oh, c'est une soupe. Ah, à Gabon. Combien de 11 degrés. Ah, ça se voit. C'est carrément une soute ou c'est une brune. Ah, ça, à mon avis, c'est une soute. Même pas au travers. Tu vois la que, vu que la couleur de la mousse. Alors, je suis le plus proche de mon ami. Elle et sent les je pieds, ne le vois pas à travers la bière. Ça sent les pieds, même. T'as essayé d'ouvrir les yeux Non, mais je. Bah, du coup, arôme, café, chocolat. Imperial stout. Ça veut dire quoi, stout? C'est la bière noire, genre Guinness. Ah, ouais, c'est ça. C'est en fait, c'est. Tu manges la mousse et. C'est torréfié. C'est ça. Il y a à boire et à manger. Voilà. C'est cuit. C'est arôme de chocolat, café, du cacao ou du café torréfié. Ouais, avec un malt cuit, ouais. Avant attirer ces arômes gourmands des grains de café et de fèves de cacao rajoutés à la cuisson. Ronde et généreuse, la demi-mondaine exige d'être dégustée aux alentours de 10-12 degrés. Ah non, du coup, c'est pas une bière fraîche. Là seulement, vous découvrirez cette bière libérée. Libérée. C'est ça, elle est délivrée même. Ouais. Je ne picolerai plus jamais. Ah, on se dit ça à chaque fin d'enregistrement et on remet ça tous les 3 mois. Mais tu arrêtes, tu vends mon secret de fabrication aux gens, tu leur mens, faut leur mentir. Tu casses le mythe. Tu casses le mythe, parce que là, on est au mois de mai, là, on fait ce qui nous plaît. Ouais, alors que pourtant, le mythe est rentré. On est au mois de mai là déjà. Ah ouais, ça passe super vite. C'est moi qui fais donc je mets pas le jingle. Techniquement c'est la guerre civile. La phrase est tournée de la guerre civile, on est retourné au front. En fait, je ne sais pas. Alors, donc on est au mois de mai, l'élection présidentielle a eu lieu ou pas là? Eh bah, ouais, normalement, là, oui, on sait que. Techniquement t'as déjà un bout dedans. C'est pour ça que j'ai mal au cul. Ouais, c'est pour ça. Enfin, tu sais pas, peut-être pas, sachant qu'on est mort avant. Putain. Si bon, ouais, c'est un podcast. Dire que les gens vont passer à côté de ce chef-d'œuvre. Ouais. Déjà, y assister, c'est un honneur. Alors, ma pardon, franchement, je suis très honorifié d'un plein. T'en as plein cul, mais t'es très honorifié. Bon, très bien. Bon, eh bien, alors moi, du coup, j'ai une Justice Weizen Crystal. Alors, c'est une bière allemande. Ah. Weizen, ça veut dire blanc. Crystal, ça veut dire cristal. Je pense que c'est une bière claire. Derrière, il y a marqué Frischenstern, c'est donc l'étoile fraîche, je crois. L'os Kulmich, déjà, rafraîchis-moi, ça veut dire. Et de l'autre côté, ça veut dire rafraîchis-moi. Ça veut dire je suis bien frais quoi. Ouais, rafraîchi du. Voilà, j'ai fait un beau. Vachement bien frais, ouais. C'est pas une stout quoi, c'est une bière fraîche. Ouais. Vachement bien. Mais c'est parfaitement fait sodomisé. Mais alors par contre, est-ce qu'elle est autorisée pour les. Oui, t'as le droit les de. Femmes enceintes, t'as les tout à fait le droit de la conduire. Faudra si t'es enceinte en voiture. Oh, il y a une étoile de. Ah ouais. Une étoile de. Ça fait partie du complot. Il y en a qui croient beaucoup. C'est une bière qui est fait 4,9 degrés et elle est double. En bien qui participe un double. Moi, j'ai par des subventions au processus de recyclage. Vous sentez la fraîcheur. Ah, je le sens, recyclage, c'est les trois flèches qui font un triangle. Alors, est-ce que ça va rentrer? Oui. D'après moi, non. C'est pas une cétacean de con. Mais je vais m'arrêter avant. Et bien dessiné le fer à cheval. Ah, et ça, hey, toi quand t'aspires, tu fais pas ça. Alors, ce qui s'est passé il y a un mois, s'il vous plaît, pas de détails. Hein. Quelle fraîcheur! Il y a un mois. Quelle fraîcheur! Oui, cette fraîcheur! Pour te dire, j'en souffre encore. Ah, et je suis une chouche cul. Il a dit quoi? Ça va? Déjà frais quoi. Il est beau du cul. Un petit peu trop mal. Il est frais du cul. Mais vas-y, fais passer le. Je te fais passer qui, le tire-bouche. À qui tu veux. Le tire-bouche-troumpf. À Toshuk. Non, il a le tien. J'ai toujours le mien. Je peux déjà le prendre, déjà. J'ai toujours le mien. Alors, du coup. Alors j'avais commencé par une Faro le mois dernier, hein, vous vous souvenez? Non, c'était il y a 3 heures. Ah bon? Putain, le temps passe vite. Et allez, on continue dans le classique, hein, parce que j'ai bien compris que le débat allait monter en température. Je fais encore dans le simple. Une petite blanche de Namur, bière belge. Bière blanche que je vous conseille. Alors moi je sais les bières, je sais pas en parler, je sais pas les présenter, je sais juste les boire. Elle est bonne. Voilà. La dame qui a un bébé, faut pas qu'elle en boive. Par contre, elle peut manger ce qui ça va divise, très bien avec ça. C'est un bon cervelas avec de la sauce biki et une bonne poêlée de frites là-dessus. Faites-moi confiance, je peux vous rassurer, ça marche super. Le gras, c'est la vie. Ça, c'est le côté nord. Ça, c'est le côté mon plat pays qui est le mien. Hein? Hein? Chougara? Choubiloute? Quoi? Un coulage d'anthologie. Une petite lèvre de mousse. Un vrai bronze. Juste un doigt. Allez, petite lèvre, ça me fait rêver. Ça me fait rêver. Y a rien à dire, c'est du classique. Voilà, ouais. C'est sobre, c'est pâle, c'est à peine troublé, ça donne envie. Je sais plus si on avait déjà goûté la blanche de Namur, je pense que. Si, moi j'ai déjà goûté plusieurs fois. Alors, je sais plus si on avait goûté fait... dans un épisode, je pense pas. C'est la bière passe-partout par excellence, c'est mais c'est voilà, elle est. Ouais. Tu vois, exactement. C'est une bière alimentaire. Qui c'est qui a pas ouvert sa roteuse? Ils sont deux encore. Ils sont deux. Oui, il y a le patron. Mister Gandalf, alors vas-y, fais-nous rêver, emmène-nous au pays des merveilles. Au pays de Corsendonc, oui. Brandu. J'ai bien compris que chez lui c'était un pléonasme, alors. Je suis déception. Par contre, tu peux mettre les mains sur la table, s'il te plaît. On dirait leur compère, mais c'est ça. Au-dessus de la ceinture. On peut prendre des photos, s'il vous plaît. Alors, bien évidemment. Déception, il n'y avait rien au magasin, je ne savais pas quoi prendre, alors bien évidemment je suis allé vers une valeur simple, efficace, une bière très alimentaire, donc en sort. Corsendonc bien évidemment, Corsendonc, meilleure bière de tout l'état, comme j'ai dit. On sent la progression quand même. Il a parlé de plus en plus fort. Il y a le bonheur, tu vois, il y avait le bonheur, et puis au-dessus il y a Corsendonc. D'accord. Tu vois, il y a. Quand on arrive au brouillard, c'est bon. C'est ça, il y a Nathalie Dormer qui se bat avec Jennifer Lawrence pour te faire des trucs sexuels sales et forcément tout ce que tu veux, elles acceptent. Et il y a Corsendonc au-dessus. Et au-dessus de Corsendonc, tu vas loin, toi, dans le délire. Et il y a Jennifer Lawrence qui te suce en se battant avec Nathalie Dormer pendant que tu bois une Corsendonc. Donc en fait, Corsendonc, c'est le pays du rêve, c'est le pays, tu vois, Dieu. il multipliait les peignes, il multipliait le veigne, il multipliait pas encore ses noms parce qu'il pouvait pas, c'est pas possible. Il pouvait pas, c'est pas possible. Mahomet, il a dit, je ne peux pas, il a dit, on peut pas me représenter, mais on peut pas représenter Corsé donc non plus, c'est pas possible. Il a dit, c'est pas possible. Du coup, il a interdit l'alcool. On aurait pas dû parler des prophètes, on va avoir des soucis. Voilà, on va avoir des soucis, mais c'est pas grave. Bouddha, il a dit, Il a boudé. Il a boudé, voilà, il a dit, non, je ne peux pas. C'est un nom négatif. C'est ça, voilà, il a dit merde. Les femmes enceintes, toi, ne peuvent pas accéder à ce surplus de bonheur, tu vois. Parce que leur enfant, il, de suite, il grandirait, il deviendrait géant, tu vois, il deviendrait une espèce d'entité du futur, tu vois. Donc voilà, Corset donc, c'est tout ça. Je me demande d'ailleurs même si l'usine dans laquelle est fabriquée cette bière a des murs qui sont blanchis à la chaux. Ah, mais je suis complètement sûr. C'est tout à fait possible, quoi. Tu vois, dans cette usine. Ouais, en Belgique et tout, et dans le canton de Namur. C'est ça. Oh là là, le rêve absolu. Tu sais, qualifie les plusieurs bâtiments. Les Nobel. Et bien, il y a marqué, sauf les gens qui travaillent pour Corset donc. Parce que sinon, il devrait récompenser tout le monde là-bas. Ouais, tu vois, même le gars qui vient livrer que les bouteilles, prix Nobel de la paix. le gars qui fait le levain. Eh ben, il part super loin quand même des fois. Tu vois, le gars, c'est une explosion. Alors du coup, pour rappel, c'est pas le dossier Corset donc. Ah, j'ai eu peur à un moment. Un jour. VRP. Virgule. Non. VRP. Franchement, tu charges du boulot. Tu devrais leur envoyer un message. Franchement, tu devrais. À défaut de pouvoir goûter, donc la Corset donc. Toi, t'as vu, il est toujours pas ouvert. Mais oui, ça fait déjà 5 minutes qu'on y est. C'est le message de l'annonceur, il faut qu'il tienne 8 minutes pour recevoir le. Moi, je suis plus long que des pubs sur téléphone. C'est extraordinaire. On veut pas savoir. Non, mais en termes de Corset donc, goûter. Non, mais je vais pas la goûter. J'en ai une qui m'est pas. Non, mais je vais la répondre. Tu vois, donc, il y avait Corset donc Gold, je l'ai pas pu goûter. Donc, forcément, moi, du coup, j'ai eu un certain désarroi en moi, tu vois. Une frustration. T'as pris une Corset donc pomme. Ouais, du coup, voilà, j'ai pris une Corset donc c'est la Apple White Apple et White. Elle est juste à 3,1 degrés donc je pense que mon quotient de. Ah, ça va, tu vas te stabiliser là pour le coup. Oui, elle est très très bonne. Ça hydrate de temps en temps, il faut s'hydrater. Voilà, faut s'hydrater. Faut boire de l'eau. Mais forcément, sinon on a mal à la tête. Pas sûr qu'il se stabilise beaucoup. Ah, mais là faut expliquer parce que c'est pas très podcast, c'est un oui, je suis en train de regarder le prochain. D'ici 5 minutes, teasing, ça va pas être bien. Teasing Bordeaux. Ça va monter en flèche. Teasing Bordeaux. Voilà, donc parce que vous savez, dans ce podcast, je pense peut-être que les gens se sont peut-être rendu compte, je pense que je suis un peu dithyramique par rapport à Corset donc. Il y a un certain de running gag, en fait, à chaque enregistrement, une Corset donc. Pour l'instant, quelqu'un m'a déjà damé le pion. Mais c'était le mois dernier. Ah, toi, t'as pas ça comme ça, toi. Voilà, c'est bien, c'est poétique. C'est ça, voilà, plus avec une double pater, non. Damer le pilon. Les pilons. C'est les passages avec le poulet. Donc, allez, c'est parti. On y va. Il l'ouvre. Oh putain, enfin. Suspense. On entend. Ouais, il que va-t-il en sortir? On sent le parfum de la chaux sur les murs de l'usine. Il est 8h, hein, c'est bon, on peut fermer. On peut fermer boutique. On peut aller boire à vous. Bon, forcément, on a 3,1, autant vous dire que là, on pourra boire plus qu'à travers. Ah, ça change de, ça, de l'Imperial Soute. Hein. La Namur, j'ai même pas dit à combien elle était. C'est pas marqué. C'est pas possible. Ouais, tu passes. Si. C'est 4,5. Mais dis tout. Oh, mais je veux pas tout mettre en moi. Mais dis donc. J'ai peur que ça casse tout. Tape dans le fond, je pas, t'es en mer. Ah, c'est le ferrier, je connais. Après le bonheur de Corset donc, voilà, on passe à des trucs fadas, démerdez-vous. Alors, le truc fadas, c'est la World Beer Award, s'il te plaît. Mais qu'est-ce donc? Mais quel est c'est la bière des étoiles. C'est une bière blanche, hein, monsieur qui aime bien la bière blanche. Oui. Et t'as vu, elle est rafraîchissante, je parie. Un petit mot signé derrière. Oui, je parie qu'elle est même fraîche, quoi. C'est est-ce que tu es déjà frais? Thon. La thon. La thon blanche. Ne pas confondre avec la thon blanche de Simpson. La thon blanche. Et c'est donc la World Beer Award dans la catégorie. C'est une bière de médecin. Pale. Pardon. Dans la catégorie des pale, et donc c'est une bière, alors vous goûtez au profil aromatique caractéristique de la toux orienté vers l'agrume et le citron vert. Oui. Elle est le vachement bonne. La bière, c'est à 3,80€ la bouteille. Non mais sur le papier ça a l'air bon ça. T'as pas vu c'est la toux. La big boy de la débauche, tu l'as payé combien ta big boy? Ah je sais plus. J'en ai eu pour 80€ de bière, donc du coup. Pardon. Bah oui, pendant la. Ah, grave dire, ah oui, je passais là. Une craft beer, j'ai fait. Je prends. Bon, moi, 4 mains. Ah d'accord. Bah, vendu, j'achète. Tu fais un petit peu, tu fais bon, bah. C'est... Les craft beer, t'en as pas souvent de bière. Non. Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça? Faut que je la buve aussi? Non, ça c'est à moi. Ah, ah d'accord. C'est pour la présentation. C'est la même brasserie que celle de Lidéric là. C'est une bière noire aussi. Elle est aussi à 11 degrés, il me semble. Une bière noire. Elle est au piment. Voilà, c'est une bière noire au chili. 12 degrés. 12. Est-ce qu'il paraît les tabasse. Elle est pimentée. Elle est super bonne. Mad Machine Big Boy. La Big Boy de la débauche. Par contre, elle est coûte une merde. Excuse-nous, on t'a coupé. Ouais, Asto, vas-y, finis. C'est une Big Boy. Eh ben, de toute façon, là, c'est à la vôtre et puis voilà. Oui. Bah du coup, attends, je mets une jiggle. Pour conclure, je dirais que la règle numéro 1 dans un deal. Chier, on va chier. C'est de ne jamais goûter. On va goûter. Allez, on goûte. Ah, j'ai faim! Ah, j'ai chaud! Ah, j'ai soif! Allez, non, vous, filles, les gars! J'attends toujours quand elle est très sombre pour de la blanche. Bah, tu sais, moi. Ouais, allez. J'appelle au travail. Ouais, on trinque. Tatiane? La lumière passe. Croise pas. On est bloqué. Ouais. C'est vrai, je crois que c'est la première fois qu'on trinque en plus. Oui, c'est vrai. C'est la première fois qu'on trinque. Le micro. Le nombre de minutes de podcast qu'on se fait faire. Mi bémol. C'est vraiment. Heureusement qu'on paye pas la bande passante. Ouais, okay. C'est ça. On serait des fonctionnaires, putain, on serait les dégénies. C'est trop court, il paraît. Ouais, je Ah, il s'est lâché le dire. Est-ce que c'est Friken? Ah, je binche une fois. C'était dans vrai ce qu'il avait marqué au dos tout à l'heure. Putain, Bien en rhum. Hein. Bon. Et donc je remets le décapsuleur dans mon cul. Au fond de la droite. Pas gouré de chance. Alors, le décapsuleur fictif. Je le remets de nouveau à Gandalf pour nous présenter l'extra. L'extra ordinaire. Extra. Alors, of Gandalf. Bien évidemment, qu'est-ce que je prends en main? Bien évidemment, c'est de passer vite. Permanente. Parce que même à l'audio, vous la sentirez d'ici. Je le mets sur le front, les couilles sur ton front, les couilles sur le nez. Tu te la mets derrière l'oreille. Licorne, c'est ça? Et je fais la licorne. Voilà, hashtag apéro original. Et je sers bien. Je sers bien, comme ça je pourrais plus réfléchir déjà que. C'est histoire que ça soit en courant. Toshiba, Mifune, tout ça, donc forcément, bien évidemment, un amateur de whisky est parmi nous. Et la Shaimase! Whisky! Putain, déjà la vidéo, l'audio c'est impressionnant, mais alors de vivo là. Je te jure, ça fait peur. Goulée. De vive voix, ça choque. Mmh. Donc vous. Tu comprends pourquoi maintenant il n'y a pas Podan? Là, il ne le laisse pas passer. Parce que je sais de miserer de façon pour notre podcasteur. Mais il passe pas la sécurité. Mais sans alcool. Sans alcool. Et j'en dirais sans alcool, la fête est plus folle. Vas-y, mais non, mais c'est moi qui fais le dossier après, sur ça je fais du ret. Et je suis content d'avoir fait 2 jours pour les 3 épisodes quand même. Pour les plus. Non, mais le deuxième c'est pour décuver. Donc, pour les plus perspicaces d'entre vous, ouais. Et merci, on avait deviné. Voilà. Vous rappellerez qu'il y a un quoi qui se casse, un quoi qui se passe spécial Japon. Quoi qui se casse. Ouais. Non, ouais, on se rappelle bien, ouais. Meilleur épisode, de façon, je crois, de tous les temps. Jamais sorti, c'est pour ça. 3h30 depuis le bonheur. À ce qui paraît, Donald Trump l'a écouté, il est revenu sur certaines de ses décisions. Tellement ça l'a bouleversé. C'est magnifique, c'est formidable. On sait pas comment il a écouté puisqu'il est jamais sorti, mais. C'est ça, voilà. Non, mais c'est Skynet. Ouais, c'est ça. Il y a des écoutes partout. Ah, on sait que ça a fait plutôt faire un an qu'il aurait dû sortir. Quoi? Un an qu'il aurait dû sortir. Qui? Donald Trump aussi, il aurait dû sortir. Il aurait jamais dû rentrer. Il y en a, il ne se retire jamais, mais là, un an pour sortir. C'est des rapides, hein, comme ça. Ah, ça mouille. Donc, ceux qui s'en rappellent, on avait bu. Pendant l'épisode de cet apéro original, on avait bu du whisky Suntory, du The Shita qu'on ne trouve pas en France. Non, je comprends du contraire, parce que c'est, ça n'a pas été diffusé. Donc, bien évidemment, c'est ça qu'on va boire maintenant, présentement. On va boire de l'exception. Hein? Tendez vos auges. Tendez vos auges. Il va y avoir des doigts. J'en veux bien un gros. Mais tu tombes toujours de verre. C'est les glaçons. Donne ton chiquito. Non mais ça c'est les mecs de la campagne, ils voient un verre, ils veulent le remplir. Donne ton chiquito. Merci. Merci. Donne ton chiquito. Parce que ça c'est les chiquito. Oh, ça sent bon. Par-dessus le micro. Par-dessus la troisième corde. Oh, on te remettra au pire, c'est pas grave. Ça sent bon. Il est là pour être fini, enfin fini. Il y a des 4 glaçons donc merci monsieur. Non, merci. Bah si personne en prend, moi j'en prends. Sinon j'en aurais pas pris mais. Tu dis stop, hein. Et alors, je précise, ce sont des glaçons spécial whisky, c'est pas de l'eau qui fond, quoi. Voilà, c'est des trucs, des bouts de métal gelé que tu mets dans ton verre. C'est pour éviter de mettre de l'eau dans ton whisky. Et ça a l'air d'être bien que de toute façon mettre de l'eau pour peu qu'elle soit pure et assez fraîche. Alors, c'est pas un crime non plus. Ouais. Je dis non. Ça au pif, mais je dirais AliExpress. De source. De source. Oui, de l'eau de source pour peu qu'elle soit fraîche. C'est pas un scandale. Si vous voulez, on peut se faire un highball à la. De whisky. Highball à la japonaise. Un good taste. Parce que les japonais se font du whisky avec du Schweppes ou du. De l'eau pétillante. Ah, c'est con, on n'en a pas. Si, j'en ai. Merde. On a du Schweppes, c'est de l'eau pétillante. C'est de l'eau pétillante. C'est pas vrai, c'est pas vrai, du vrai Schweppes. C'est pas vrai. Du Schweppes. C'est du tonique. Du Schweppes, c'est Déjà, au nez, tu peux pas te tromper, c'est vraiment japonais. Ouais. Au nez, c'est vraiment japonais. Ah, moi. Tu reconnais un japonais au nez? Ça me dit moi, pas aujourd'hui. Mais c'est pour peu qu'il soit assez grand et qu'il passe à hauteur, généralement, ouais, à l'odeur, je les reconnais. Puis pourtant, le nez, franchement, c'est pas les japonais. Enfin bref. Oh. Mais le whisky est bon. Tu sais que peut-être que ta blague d'ici là, elle sera devenue valable peut-être. Parce c'est whisky, là, il a un goût de sushi, quoi. Ah ouais, quand même. Non, ça c'est une remontée de gastrique d'hier soir. T'as eu un relent. On reconnaît la. Bon, allez, la nori. Ouais. Il a goût de gens qui font jamais l'amour. Ah oui, c'est ça, un goût d'algues. C'est ce que je dis, un goût de sushi. Putain, ça fait 27 ans, 20 demi-heure qu'on y est déjà. Oh putain, j'en peux plus. On va passer à la suite. On va passer à la fin de cet épisode, alors la musique. Passons à l'enculerie de Gandalf, puisqu'il nous a fait un do-quiz-quiz, dossier quiz-quiz. Ah, mais je croyais qu'on faisait le deuxième épisode sur les bières et le whisky. Parce qu'il est chaud le mal là-bas. L'enculerie, on le fait, on a dit. Intitulé Les mots en patois. Oh, jingle. Casse des dieux. Ma main a coupé, ça va encore tourner autour du trou de balle, cette histoire. Alors, trou de balle ou la merde, on a de la bête. On a écrit ensemble, ça, je suis prêt. Trou de balle, il y a toujours un peu de ça. Quand t'as pas tué, putain, il en reste toujours un petit peu autour. T'inquiète, la matière, hein, ton. Va me chercher la lima épaissière. Alors, je vais vous faire donc un quiz. Donc, on l'a déjà teasé, donc c'était sur les mots en patois, enfin en patois en général. Hein. Pas moi. Patois. Non, en général. Et autre mot rigolo du patois local, parce que des fois il y a le patois et le patois. Ouais, c'est ça. C'est le patois de la maison d'à côté, puis le patois de la maison qui est en face. C'est le bistère là-bas à côté. Là. Il y a aussi les langues vernaculaires. Ah, t'es soigné. C'est comme le patois, mais. Et en plus, il y a un culaire. En mieux. C'est quand t'incules les vers, ça, non? C'est ça. Parce qu'il y a les sodomisateurs de drosophiles, mais. Vas-y, fais ton moment. Ouais, c'est pas faux. Fais ton enculerie, puis on. Oh, c'est quoi toute cette médisance sur mes dossiers, monsieur? Je fais durer là. Non, c'est bon. Parce que t'as un bandeau de japonais sur la tête. Je crois que j'ai gardé un peu. C'est pour ça qu'on médit. Parce que je suis plus Japon là, c'est goût. Là, c'est des mots en patois, c'est pas le. C'est pas japonais. Va chercher tes charentaises. Ouais, c'est ça. Alors, un patois tarné, ça veut dire quoi le goumi? Enfin, goumi. T'habites? Non. Oui, mais ça veut dire gourdin techniquement, mais là, ça veut dire autre chose. Et j'ai été très surpris que ça veut dire ça. C'est du goumi. Voilà. Bah, le goumi, un patois, c'est un arbre, non? Ah non, c'est un patois. Attends, patois. Il est goumi. Vous allez voir, c'est très drôle. Il est goumi. Ça met ça quoi? Veut dire qu'il est un petit peu malade. Ouais. Ah! Tu genre qu'il est goumi. C'est la grippe. Super bien. C'est la grippe. Ouais, c'est ça. Non, pas une sorte de grippe, mais quand même bien tornade. Pas la grippe. Personne sur le chat dit qu'on est des couillons, c'est bon. Pas grave. Surtout, hein. Donc, pas une maladie, mais il y a quelque chose qui peut se produire dans une maladie. Il y avait dans une chanson de Gotenner qui était tu as le goumi dans les genoux. Le vomi. La gastro. Le vomir. C'est ça. Le goumi. Le goumi, c'est vomir. Voilà. Alors que moi, c'est mon gros sexe. Attends. Ouais, c'est vrai que ça peut faire vomir. Parce que ton sexe fait vomir. Vu le film peu de fois qu'on m'a sucé, ça m'a fait vomir. Non, mais c'est bon, j'ai mis 2 secondes. Ah, ouais, quand je suis content, comme moi, je vomis. T'as mis 2 secondes comme moi. Quand je suis content, je goumi. En vrai, vous allez voir, il y a de tout. J'ai mis en deux parce que je savais pas trop quoi faire. J'ai mis pas. T'as mis du breton. Non. Alors, C'est une langue vernaculaire, le breton, c'est pas un patois. Poche, du coup, c'est quoi le quiz? C'est un petit sac plastique. Voilà. Donc chez nous, c'est un petit sac plastique, mais ça veut dire quoi aussi, poche? Bah, ça veut dire un mec qui a picolé. Mais oui, voilà. C'est une, oui, c'est une poche. Ça, c'est une poche agnole. En fait, c'est quoi ton quiz? Tu donnes un mot, on doit deviner ce que ça veut dire près, en français. Ouais. Ou une poche, origine. Un pochetron, en fait. Non, c'est ce que ça veut dire. Bon, en fait, tu donnes un mot et tu démarres avec. C'est le diminutif de pochetron. Tu brodes au c'est ça. C'est ça. Le pochard, le pochard, le pochard, le pochard. Les pochards du web. Les pochards du web, c'est une grosse poche. Alors, être roule barriqué. Oula, c'est bourré, ça, non? Ah, non. Je suis roule barriqué. Ouais. Alors, ça veut dire que je roule les mécaniques. C'est un gros bin, avoir un gros bin. Ah non. T'as vu la fin? J'ai fait beaucoup de voyages. Je te jure, il le fait super bien quand même. J'ai une demi-molle en me disant putain, c'est bon, je l'ai celle-là. Ouais, t'es mains au-dessus de la table, s'il te plaît. Il a les mêmes bleus. C'est un mec. C'est mon... Hey, j'ai trouvé, c'est mon jean. Ah bah oui, peut-être. Oui, c'est mon jean. Oui. Ah, toi aussi, tu te frottes les cuisses, hein, salaud. Ouais, mais c'est pas ça. Bah, tu vois, t'es roule barriqué des mains, quoi. C'est un mec qui fait des trucs sous la table, un roule barriqué. C'est ça. Sous la table comme les arbitres ou comme les putes? On sait pas quoi, c'est un roule barrique quoi, c'est un peu tabou comme mot. Bah c'est quoi alors? Être roule barricable, c'était tout chamboulé. D'accord. Oh là, c'est ah en fait y'a pas besoin d'aller chercher. Dans quel patois ça? D'accord. Ah ça c'est le patois de... c'est le de Carmos. Ah oui, non, bah, c'est local. Il a tout roule barriqué dans sa maison. C'est local local en fait. Demain c'est toi qui vas tout roule... Non après y'en a d'autres, après y'en a d'autres. Tu vas tout roule barriqué dans ta vie. Ah tout, tout. Hop. Alors par exemple, un tour de porc. Ou un tour de cochon. Une tour de porc, c'est ça. C'est ça, voilà. Toi, faire un tour de porc, c'est ça. C'est quand t'as une belle voiture allemande, une porc. Tu fais un tour de porc, là. C'est une. C'est une porc. Moi, je vous l'annonce, on va avoir un troisième épisode, mais dans le jeu. C'est une porc, c'est ça. Une porc, c'est ça, mec. C'est les porcs, les voitures allemandes. Une porc Carrera. D'accord. Moi je préfère quand même les ordres, les gros, les Panamera là, mais même mieux. Ouais, moi aussi. Voilà. Ah, Churavé. Voler, voler. Voilà, Churavé. Ouais. Mais ça c'est pas du patois, c'est du Loucheben, c'est du... Ah mais c'est du quoi ça? Non, c'est pas du Loucheben ça, Churavé. Bah si. Bah non, sinon ça se finirait par Ben. Non mais alors c'est quoi c'est... Le Loucheben, c'est le langage Churave, du Loucheben. Churave, Piave, Pénave, c'est un truc de manouche. Peut-être, au moins c'est de l'argot en tout cas. Ouais. Mais le louche BEM, c'est, ça finit toujours par BEM. J'ai mélangé tout. Il y a le label basket à Bicrav. Ouais, d'accord, ok. J'ai rien compris. Peggy. Ça veut dire coller. Coller, coller, coller, coller. Coller. C'est ça. T'as raison. Ça pègue, c'est que ça colle. T'as pègue. T'as raison. Si t'as la pègue, c'est-à-dire que t'es au lit et que t'as pas mis de te le. Ça pègue par terre, et devant le bar. Ah oui, d'accord. Et j'ai un problème pour danser. Quand tu te trop sous le. T'as les bras qui pègent. Les Québécois, ils disent pègue aussi. Ah ouais. Et après il y a Sam qui s'endort avec l'habitude qui gratte sur l'éclame qui pègue. C'est s'embrouiller, ouais, c'est, ouais, voilà, c'est pas ça, c'est qui se couche avec le doigt, avec le cul qui gratte se réveille avec le doigt qui pue. Et qui s'endort avec l'habitude qui gratte se réveille avec le main qui pègue. Putain. Ça c'est deuxième. Deuxième et même si ça. C'est les recto et le verso. Oh là. Tiens, ça va être long. Ça pègue dans ta poche. Ah putain, boulégué. Boulégué, c'est le loto. Non, c'est dégage. Allez, boulégué, dégage, c'est marseillais. C'est un peu ce sens-là aussi, mais c'est surtout le sens qu'on a remué. Ouais, remué. Là, les gosses, boulégué. Et là, attention. C'est boulégué, c'est... Enfin, dans le coin, c'est une expression qu'on utilise dans les lotos. Voilà. C'est quand ah, ils oui. Mais du côté de Marseille, c'est dégage. Du boulégué, boulégué, boulégué. Ah, c'est kin, ça, mais en plus, je l'ai mis juste derrière. Kin, donc. Bah, c'est loto, quoi. Kin, c'est la loto dans la vallée. Ouais, mais il l'a dit dans son dernier podcast. Voilà. Ah, tu le saurais, tu l'aurais pas mis. Ouais, mais toi, nous écoute pas. Alors, du coup, alors quel podcast, quelle référence, on mettra le lien, que ça les gens ils seront obligés d'y aller. Alors, moi, c'est pas que j'ai pas écouté, c'est que j'ai 3 mois de retard, donc je l'écouterai dans 3 mois. Non, mais d'ici là, d'ici là, techniquement, tu peux pas avoir la réponse. Je peux pas le dire là. C'était ouais, c'est pas punk. Ouais, c'est le dernier, mais c'est celui d'il y a 3 mois. C'est pas rural punk ou hardcore, rural hardcore. Si, c'est rural hardcore. C'est ça. C'est ça. Et dedans, t'imagines, c'est moi qui lui rappelle. Et alors, en fait, on n'entend pas super bien, mais à un moment donné, il y a une dame qui s'approche de moi. Oui, qui demande ce que tu fous là. Vous faites là parce que il paraît qu'il y a des journalistes parce que, ouh là là, vous savez, par les temps qui courent. Elle a pas cherché à tirer du pognon d'entrée là. Et moi, je pensais qu'elle me soupçonnait d'être un terroriste, quoi. Tu m'étonnes. Et c'est quand même ultra bizarre, quoi. Il pleuvait, on était dans la salle Agora. Donc si c'est le dernier, c'est épisode 15, rural. Ah, ah c'est ça. C'est ça, avec le kin. Les mains au-dessus de la table. Donc en fait, le kin, c'est le loto dans l'Aveyron, quoi. C'est ça, voilà. Et on dit un kin et pas une kin. Ouais. Donc ce sont des moments de ruralité où les gens se retrouvent dans une salle des fêtes sous un néon et ils tirent des trucs sous un néon et ils gagnent des chansons, quoi. Il y a le kin, la kin, la double kin et le carton. Le kin. Fais gaffe, tu vas te faire engueuler. Chez nous, c'est le. Ah, de pas confondre dans les kin, le groupe de... Ouais. Ouais. Oui, donc je mais honnêtement, tout le monde y a pensé, personne n'a osé la faire. Ah non, non, merci. Pas moi. Mais allez, merci. Le spectacle continue. Elle est de Truman Game. L'NP. Boire. Lécher. L'NP. Ah oui, oui, c'est, couteau, c'est mettre un coup de langue, quoi. Une, ouais. Une L'NP. L'NP. Grimper. Non. Descendre. Aller vers quel moment ouais, c'est manger une plongée. Petite Est-ce tartine que... d'œuf de poisson sur un blinis, quoi. Genre, il y a avec des olympes. Genre, il y avait de la neige, il s'est lâché. Ah, il a glissé. Il a glissé. Voilà. Ah ouais, putain, il y a quand même vraiment... Quand ça pète pas, ça l'aime. Même particulier, hein. Mais il y a un plein. Genre, après, il y a la buffet. Le buffet. Le buffet. La volonté. Là, tu parles le Netflix. Avec ou sans wok. Ça, c'est un petit peu raciste, hein, je veux pas dire. C'est franchement raciste. Raciste inside. Mais s'il faut, peut-être, vu qui c'est qui a gagné, c'est peut-être devenu logique d'être raciste. Ouais. On sait pas. On est dans le futur là. On peut enfin que selon qui a gagné ce podcast, on sera peut-être jamais diffusé. Mais voilà, parce que la censure sera en place. De rural normal, il va passer à raciste. Ouais. Raciste normal. Bah c'est ça. D'où l'utilité et la nécessité d'écouter c'est des dans la rural, c'est ça. Voilà. Peut-être que les gens ils savent sans savoir. Du coup, ils savent pas. Bah ouais. Mais on leur parle d'un temps où. Les moins de 20 ans. Tout était permis, quoi. C'est ça. Sous François Hollande. Il y a deux mois. Il y a deux mois. Et qu'est-ce qu'on leur a mis dans la. Il y a deux mois, tu pouvais sortir dans la rue après 22 heures. C'était génial. Bon, maintenant, de temps en temps, il y a des feux de maison, tout ça. Mais sinon, ça vit très bien. Donc, la buffet, c'est l'engueulade. Une bonne engueulade. C'est une bonne buffet. C'est d'ici aussi. Oui. Ah, monsieur. Je fais que des trucs d'ici. Mais en même temps, c'est le but de la manœuvre. Une cagade. Une cagade, c'est quand ça chie, quoi. C'est ouais, ça. C'est ça. C'est une grosse merdouze, quoi. C'est ça, une belle bêtise, tu vois. Ah, ça, c'est pareil. Si vous le trouvez, celui-là, le rapatel. Ouf. Eh, rapatel. Ouais. C'est tu vois, tu vois, pour aller chasser. Three times. You smell. You wash. Je verrais bien ça pour un nom d'un et après tu rapotelles. Non, c'est quand tu rapes. C'est quand le patin il a pas suffi. Prends une lime et c'est quand tu tires avec la lime, ça fait une rapatelle. Le rapatel. Le rapatel. Ah ça c'est très loco-local. Ah en plus. C'est de l'alcool. C'est loco-loco. Ouais c'est loco-loco. Empolo. Un rapatel. On sait. Un râteau. C'est un non, sport. C'est un petit chemin sinueux et une montée. C'est le petit rapatel. C'est eh ben, tu sais quoi cheminé, bah, c'est vrai que c'est en plus fort que dire breton, petit chemin. On parlait de tout à l'heure. Petit chemin en breton il y a un mot qui s'appelle ouais. La riboule. Ouais. Et la riboule, c'est un petit chemin détourné. Et en général, on parle de riboule, boueux, par exemple. On parle de riboule parce que quand tu prends les riboules, ça veut dire que tu rentres chez toi en voiture ouais. En évitant les ronds-points. Et donc, t'as le riboule des 3 grammes, le riboule des 4 grammes 5, qui est avec des champs et tout. Et tu prends les riboules, quoi. Et partir en riboule, ça veut dire, allez, tu pars en riboule avec tes copains, tu pars en piste, quoi. Intérêt général, direct. Du coup, j'avais dit tout à l'heure la cagne. La cagne, c'est quand t'es énervé, c'est. Ah, la cagne, ça te gonfle. C'est, ouais, c'est quand il fait chaud. La crème, c'est quand t'as la crème. La cagne. C'est ça, c'est avoir la flemme. Ouais. Oh, ben c'est quand il fait chaud, j'ai la cagne. Ah oui. J'ai la cagne. Le cagnard. Ah, cagnard. Ouais, j'ai la flamme. Quand il fait cagnard, t'as la cagne. Ah, cagnard. Oh, pfff. J'ai le cagne. Oh, combo. Pourquoi tu mets un G à la fin? Je craigne, je prends le rapatel. Le rapatel, parce que je prends pas le rapatel parce que j'ai la cagne. Ça, et le but du jeu, c'est de faire une phrase à la fin. J'ai la cagne derrière le rapatel. Et après, tu finis par camoulox. Teigne. Kagé. Caguet, ça veut dire chier. C'est un caca. Ouais, même beau caca quand même. Caguet, c'est le caca. Ou alors là, tu cagues dans la quoi là, ça veut dire. C'est ça. Genre, il me fait caguer. Il me fait chier. Il fait chier, c'est ça. Les enfants, ça fait caguer. Alors, ça, c'est pas un mot de patois, mais c'est pas grave. Calancher. Mort, à mourir. Ah voilà, oui. C'est ça. Tu calanches, ouais. Tu calanches. Ça, c'est de l'argot, ça. C'est ça. Calancher. Le pissou. Ben, c'est pas cagué, mais c'est petit. C'est le petit pipi. C'est le petit pipi, c'est un petit pissou. Le petit pissou. Abisto des nas. À vue de nez. C'est ça. À vue de nez. À vue de nez, abisto des nas. Abisto des nas. Ben, du coup, là, je l'ai dit tout à l'heure, mais c'est pas grave. Empégué. Empégué, c'est les gens qui se sont. Empégué, c'est se mettre dans la mouise, quoi. C'est ça. Escagacé. S'énerver. Perdre quelque chose, tomber. Non, ça veut dire s'agacer. Oui, s'agacer, s'énerver. Un petit peu, ouais, aussi, tu vois, c'est. Ça m'escaverse. Oui, mais c'est cagasse. Tu commences à me briser les gentiment. Ouais, c'est ouais, carrément bon, marcher, bon, bon, il met ça. Tu commences à me les briser les manières. Je confonds avec escamper, peut-être. Escamper. Escamper, c'est échapper, ça, non? Moi, je confonds avec escalader, qui veut dire monter sur une montagne. J'escalada. J'escalada, ça. On est là, on est bien. Escagacer, ça veut dire faire une bêtise, faire quelque chose de mal. C'est ça. Ah bon? Aussi, ouais, mais après, ça aussi, ça fait. Faire une bêtise sur quelque chose de mal. Non, faire une bêtise ou faire quelque chose de mal. Ah ouais, d'accord. Parce que j'allais dire, putain, faire une bêtise sur quelque chose de mal. Niaquer. C'est-à-dire Niaquer, c'est. Le morphin. C'est le morphin. Sadoul. Sadoul, je sais pas. Sadoul. C'était pas un président, ça, Jean Sadoul. Le Sadoul, c'est le Sadoul, c'est Sadoul. C'est Sadoul, voilà. Le Sadoul, c'est G81 quand il est trop longtemps chez toi. Ah, ça pue. aussi. Mais... Ça veut dire, le gars, il pègue, t'arrives pas à t'en débarrasser. T'as vidé les bières? Un Sadoul, c'est un gars qui pègue. Ah non, pas un gars qui pègue. Ah, c'est quelqu'un qui pègue pas, qui parle beaucoup. Ah, t'es pas loin, tu vois, ça t'a rapproché de la. Quelqu'un qui saoule. C'est ça. Non, le sadoul, c'est que si tu manges trop, je suis sadoul, c'est être rassasié, c'est en avoir marre de quelqu'un du coup. Putain, quand je le vois, lui, il me fout sadoul, quoi. Genre, François Hollande me met sadoul. C'est pas sadouille. Il met pas sadouble. Ouais, c'est alors que Marine Le Pen, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout, Louis Alliot, il est comme ça, il est super. Tu peux ranger ton drapeau bleu, blanc, rouge, s'il te plaît, Benji. Alors, si tu veux, la brosse de chiottes, elle est dans les chiottes, hein, du coup. Ah, j'ai une gargarie avec. Une mirgue. Une voiture. Putain, mais on est encore en France, là, ou... Après toi, hein. Après son français. Une mirgue, c'est un haut d'une montagne, un repère pour les bergers dans le temps. Un haut du rapatel. C'est une mirgue. Non. Tu mirgues la mirgue. La mirgue, c'est un animal, donc. Ah. Ah, le merle. Non, plus petit et plus mammiférique. Le mulot. Le quoi? Ouais, plus mammiférique. Une souris. Une souris, c'est ça. La mirgue, c'est une souris. Oh, la mirgue. Alors, je suis espanté. Je suis espanté. Pétassé. Oui. Pétassé, bah. Ouais. Pas quand tu pètes trop dans ton slip, casser quelque chose. Pétassé. C'est sa cousine. C'est comme putassé. C'est pétassé, non? Non, pétassé. Non, pétassé, ça peut être. Coudre, non. Ouais, pas loin, donc. Enfilé. Ouais, reprisé. C'est ça, reprisé. Genre, tu t'es fait un trou au pantalon, je vais te le pétasser. Ah, alors que moi, tu te fais un trou au pantalon, généralement. Oui, ou sinon je te le pète assez. Voilà. Ou alors moi, voilà. J'ai vu des pétasses sec. Elle me fait un trou dans le pantalon. Ah, si tu prends un sec. Si tu prends un sec. Sans préavis, par contre, attention. Ratch. Ratch, c'est un peu sec. Bourré, non? Non, ratch, c'est bleu. Ça veut dire un mec qui veut pas donner son argent. C'est ça. Ah, quelqu'un qui a un radin. Un radin. Finité. Intelligent. Enfin, simple. Il est bien brave. Il est sournois. Il est un peu sournois. Et il est gentil. Il est sournois. Il est fou. Ouais, gentil, bien brave. Non, mais... Il est bien brave, le couillon. Non, ah, en fait, gentil. C'est... Ouais. D'après vous, c'est... Il est au-dessus du parapet, là, il furette. Ouais, c'est ça. Il est au port de C'est ça, il reluque, hein, comme on dit aussi. Un voyeur. Ou il espionne. Ah, c'est moi, c'est un pervers, c'est ça. Il était en train de finter. Ronquer. Dormir. Ça veut dire dormir. Ouais, mais ronque bien. Ronque, ouais. Ah, quand tu ronques, tu ronques. T'as somme la bûche. Tu ronques. Alors, oui, j'étais. S'escanner. Rigoler. S'emmerder, s'embêter. Non. S'escanner. C'est ramper, s'épuiser. Non. Non. Genre, il sait escanner. Il sait escanner dans les escaliers. Il sait escanner avec son imprimante. C'est bon, tu t'approches. Hein. Il tousse. Bon, elle est passée comme ça, personne n'a entendu. Je l'ai entendu, ouais. Non, rien. Dans les escaliers, non. Non, c'est bon, c'est une blague de seconde. Non, mais tu te feras plaisir à la réécoute. Tu l'entendras au micro. Tu te feras plaisir à la réécoute. Les blagues de seconde, écoute, c'est bien. Alors, ça sera peut-être l'extrait audiographe, les gars. C'est sur l'audiographe. Oh non. Un tabanard. Tabanard. Fou furieux. Ah bah oui, voilà. Un tabanard. Il est connu comme un tabanard, quoi. Ah, lui, c'est à chez nous, c'est tabaillon. C'est un mec qui est à donf, quoi. Enfin, chez nous, sur Bordeaux, c'est un inconscient, quoi. Un tabanard, c'est... Mais nous, c'est par exemple le gars qui roule la forme, je me dis, putain, lui, il roule comme un tabanard. Il tabanard. Le gendoul. C'est l'inverse d'un tabanard. C'est le mec qui... C'est le gars du doul. C'est le gars du doul. Je peux mettre mon gendoul sur la table. Ah ouais, quand même. Non, je veux pas voir, moi. Vas-y, fais-le. C'est le service 3 pièces. C'est ça. Ah, d'accord. Non, le gendoul, c'est le... C'est le sexe masculin. La buffe. Ah bah, le sexe féminin. Féminin, voilà. Dans la buffe allobile, bien évidemment. Ou alors, on peut dire aussi le sec. J'ai ma balle du sec. Ça. Oh non! C'est comme j'ai ma balle à buffle. Quand tu lui fais une, comme ça, tu te mets à côté de la buffle, tu lui fais allô, Bill. J'ai répondu citrouille. Il citrouille. Et là, t'as l'univers qui s'est enchanté. Je m'appelle Teuse et moissonneuse, ça va du mal. C'est bon, on les a tous faites. Enchanté de vous connaître. C'est ça, ciao Piné. Quoi? Au revoir. Ciao Piné. Au revoir. J'ai bien baisé, salut. c'est salut, je vais baiser. Chopiné. Ciao, je vais piner. Non, c'est pas la peine de me faire. Quoi que. Mais c'est pas ce que t'as dit tout à l'heure déjà. Moi, j'avais pris un café tout à l'heure. Et pas qu'un, hein. Mais non. Donc, Chopiné, en fait, c'est manipuler sans connaître. D'accord. Si tu prends un peu, tu tchaoupines avec, tu sais, c'est la première fois que tu fais l'amour, tu tchaoupines, tu vois. tu connais pas trop les trucs, tu vois. T'as pas tous les ingrédients, tu vois. C'est un peu rendez-vous interinconnu. Pour ça que Frédéric Lopez, il t'appelle, il fait ah non, moi je fais pas les femmes. Oui, mais bon, c'est ça, nous regarde pas. Tu tchaoupines. C'est ça, tu tchaoupines. Nestoufadou ou Nestoufadis. Ah ouais, c'est un étouffe chrétien. C'est ça. C'est un gâteau, mon pote. Quand t'as mangé ça, après... Oui, ça... Tu peux aller ronquer, pépette. Tu peux aller ronquer, pépette. Direct. Donc, macaniche. Macaniche, oh mon dieu. C'est ça, c'est le oh mon dieu, mais soft. Ouais. Parce que t'as le macarel, et puis t'as le macaniche. Ouais. Macarel et macaniche. Oh, macarel. Être mafré. Ah, ça veut dire être malade. Ne pas avoir de chance. Hein. C'est ça, quand t'es mafré, c'est que t'as pas de chance. Hein. C'est que t'es... le fin fond du bout du gouffre, tu vois. Putain, tu te dis, lui, c'est ça, quand des fois il y en a qui se disent, putain, lui il a perdu son papa, et Abus il est malade, tu fais, putain, lui il est mafré, quoi. Cette famille, c'est des mafriques. Là, c'est ça, quoi. C'est des boules. C'est ça, c'est typique. C'est des grosses boules. Tout l'horaire arrive en même temps. Être grainé. Malade. Non. Ça veut dire avoir des thunes, des pets. Ah non, tu vois, peut-être obtenir dans certains endroits. Grainé là. Si tu dis que t'es grainé, c'est pas beau. Tu m'en graines. Tu m'en graines, ça veut dire que tu essaies de me mettre à l'envers. Ah, ok, j'ai mes drôles qui écoutent. Ah, oh putain, reste calme. Non, il y en a un qui te dit ah, c'est bon, je suis fier de toi. Un autre qui te fait c'est bon, bois pas trop. Non, en fait, grainé, ça veut dire. Bah, mais bisous les enfants. Je fais le geste. Je pas vous aime. De semences pour mon chien. J'espère que tu as écouté quand on parlait politique. Je suis grainé pour la saison. Ah, si t'es grainé pour la saison, c'est pas bon. Parce qu'être grainé, c'est. Être fou. Être fou. C'est ça. C'est être un peu. Et comme les impôts, être un peu. Loco. Yeah. Eh, eh, eh, eh. Non, bah, tant yéke, pis. Yéke. Ah, alors là, il y a le. Toi, il y avait MacGyver. MacGyver, il avait. C'est et maintenant, il y a le bouffon. Couteau suisse. Le Moukadou. Le Moukadou. Le Mojo. Le Mojo. Le Mojo. Ça veut dire le mec qui est débrouillard. Non, le Moukadou. C'est-à-dire que. C'est tous les il a. Ça veut dire petit déjà. Ou ça veut dire petit. Ah, il a la chance. Adou, ça veut dire petit ou quoi. Il est petit mais il est quand même de la chance. Il est toujours le... ouais, il est grand petit. Il est doué de ses mains. Ah non mais MacGyver l'avait. MacGyver avait un Moukadou. C'est quelque chose pour souffler. Logique. Après le couteau suisse. Parce que ça sert à tout. Ça sert à tout. Le Moukadou c'est l'intelligence. À tout. Bah, le couteau. Non. Mieux que ça. Le couteau. La bite. Ma bite. La bite et le couteau. Ma bite. Ah non, c'est, ça sert à tout, même quand t'es malade, ça sert et tout. Le Doliprane. Le doigt dans le cul. Ah ça je sais pas, j'ai jamais mis quand j'étais malade. Ouais, c'est comme le thermomètre, mais en plus gros. T'es obligé de goûter pour avoir la température. Oh. Ouais, t'es là. Même le goût avec. Hein. T'es là, comme ça. Alors, posez la moustache. Un peu de banania. Non, le Moukadou, c'est le... mouchoir. Bah non mais, mais personne n'a des moukadous genre. Mais non mais c'est le mouchoir à tout faire en plus. Mais c'est le mouchoir qui fait 20 mètres tout à cher pour te mener. Non mais le moukadou c'est le mouchoir en tissu. Mais oui voilà le mouchoir en tissu qui fait tout. C'est une serviette en fait. Parce que, qui en fait, a un moukadou là ici je connais quelqu'un, il est allé en Irlande avec des copains. Ouais. Et ils étaient en train de parler en irlandais comme ça tout bourré. Puis là il a sorti son moukadou, il s'est mouché. Ils connaissent pas là-bas ça, il est resté comme ça l'irlandais. C'est trop chelou. Et l'autre il a fait « Do you know the French Moukadou ?» Il s'est resté. Ah tu m'étonnes, ils ont dû trop rigoler dans le pub en Irlande. C'est extraordinaire. Ah putain, les Français, ils se mouchent plusieurs fois dans le même mouchoir. C'est pas bon, dans la poche, tu sais. Ah, il est remède. Et en plus, je le file, quoi. Les Français sont tagués comme gros dégueulasses. Mais parce qu'on est à cause du Moukadou, quoi. C'est ça, parce qu'on est des romantiques, on est crâne, mais on est à la classe. On est on s'en branle. On écrase, mais on a t'as des poils à la tête. D'ailleurs, quand on s'en branle, le Moukadou c'est bien utile aussi. Oui, parce que tu peux faire tout avec le toucher, tu peux serrer un truc avec. Tu peux t'essuyer la main quand t'as plein de sperme. Comme ça, ça pègue pas après. Oh putain. Faut pas salir le béret, tu sais. Morgane, bouge-toi les oreilles. Ou la chaussette. Voilà, on est bien. Et ben, t'es, en parlant de ça, se faire endoffer. Alors, faire avoir. Oui, voilà, mais plus littéralement, c'est se faire. Enculer. Mais bien évidemment. Et c'est, je trouve ça plus joli que se faire sodomiser. Se faire endoffer, je trouve ça joli. Voilà. Ça me plaît. Ça n'est. C'est la phrase qui te plaît. Ah oui, voilà. Ah oui, il t'a dit qu'il avait jamais testé de mettre un doigt dans le cul, donc. Ah, j'ai pas. Non, mais je devais pas être. Moi, je veux pas savoir. Je devais pas être là à ce moment. Il avait précisé quand il était malade. Moi, j'étais pas là quand il a dit ça. Voilà, c'est. Quand je suis malade, oui, en vrai, le reste. Ah, tu veux être là quand il va faire ça aussi. Non, c'est lui qui veut lui faire ça. Pas pareil. T'es malade. Moi, je suis pas malade. T'as la fièvre. T'as vraiment ta température. C'est Freddy Mercury pour la température. Thermomètre digital. Et là, pour le coup, il est vraiment digital. Il est pas numérique. Là, il est vraiment digital. Freddy Mercury. Mais ça, c'est un vrai Frédéric truc Mercure. Hein, ça, c'est un vrai truc dans les émissions à la con, là. Je sais pas quoi ça s'appelle, là. Les thermomètres. Je sais plus quoi ça s'appelle, cette émission de merde, là. Merde. Ouais, c'est bon. Hein. Tu sais, tout est possible ou. Genre... Tout est réalisable, c'est le jeu de la vie. Ouais, tu sais, les émissions, ils reçoivent que des Google. Genre, Stéphanie fait du tuning, c'est pas ce qu'elle dit. Ah, confession intime. C'est ça, il y avait le sosie de. Il fallait croire qu'il était le sosie de Freddy Mercury, il s'appelait Freddy Mercure, ouais, qui fait monter la température. Putain. Et le fils s'appelait Brian. Brian Mercure, ouais, Brian. Il fait. Monter la température. Ça rime avec Mercure, donc c'est bon. Ouais. Donc, sané, qu'est-ce que ça veut dire, sané? Sané, c'est je suis sané ou je vais te saner plutôt. C'est sané, j'ai fait un truc, j'ai complètement sané le truc. Bah, salopé, c'est salopé. Dans le cagnard. Bah, c'est chaud, la chaleur. C'est ça, c'est le gros cagnard quoi. Oh putain, je suis pas au bon côté. Les canicules. Oh putain, elle a bientôt fini. Comment veux-tu que. Je recule. Allez, je vais lire une qui n'avait pas dedans, mais je vais vous rajouter. Être ruffé. être piégé. Ah, faire avoir. Non, être, pas être blême aux os. Ouais, tu t'en rapproches un peu. C'est refaire le. Ah ouais, je me suis ruffé. Ça veut dire quand t'étais pauvre et que tu t'es fait un peu. Tu t'es refait. Tu t'es ruffé quoi. Tu t'es refait. Alors là, je suis allé au casino, je me suis bien ruffé quoi. Non, c'est genre tu sors du coiffeur, toi t'es ruffé. Ah, t'es ruffé, ouais, ça veut dire que tu t'es refait. C'est ça, t'es beau, tu vois, t'es beau. T'es ruffé, c'est quand t'es beau, tu vois. Toi, t'es ruffé, t'es après, ah oui, t'es beau. Comme moi. T'es ruffé, t'es ruffé partout. Ah, c'est ça. T'es ruffé partout. T'avais des nichons qui tombent, tu les remontes. je suis bien ruffé. Je suis ruffé les nichons. Oh, c'est magique! C'est magique! Allez, un petit mousse! Mais je me suis refait! Tiens, refais-moi les niveaux, s'il te plaît! Refais-moi les niveaux! Allez, vas-y, John! On va te faire la révision! Regardez ce que je me suis refait! C'est comme chez Renault, tu peux passer plusieurs fois, te la fait gratos! Allez, hein. On est pas là pour s'emmerder! Tu me dis! Ouais, je te dis, vas-y! Merci! Merci bien. Et alors en fait en breton moi je connais un truc qui veut dire très bon. Ça s'appelle mararnik et pesquette. Ça veut dire mon cul c'est pas du poisson. Ouais mais là tu recycles tes podcasts, c'est pas du jeu. C'est vrai, c'est des vrais mots, je vais pas inventer à chaque fois des trucs différents. Alors en français c'est mon cul c'est du poulet. Ouais c'est ça. Ah, mais c'est pas toi qui l'avais proposé à ça vient de là? Je sais pas. Si. Si c'est ça. Si bah oui. J'espère que tu as. Ça m'intéresse. Coussibas ou biétré ou couillé short. Ah ça j'ai pas grand. Ah c'est le seul truc que je connais un peu. Alors vas-y. Mais couille en short. Coussibas ou biétré ça veut dire quoi? Ça va l'estropié. Et à chaque fois c'est sorti ce truc hein. Pas toi quoi. À chaque fois mon grand-père il me disait ça. Coussibas ou biétré ou couille des shorts ça veut dire. Le piètre. Sur coquin du short. Enfin, coquin, Ah t'as les couilles qui dépassent du short. Ça veut dire coquin de sort. Ouais c'est ça. Ah, le piètre, c'est le piètre. Il est piètre. Parce qu'il y a des vieux, c'est pas coquin de sort, c'est coquin de sort. Le piètre. J'aime bien appuyer la dernière lettre par là. Parce que nous, on n'est pas dans le Tarn. Si on les écoute, nous, les gens. On est dans le Tarn. On est dans le Tarn. Et nous, c'est pareil. T'allais faire les courses à Casino. Ouais, j'y suis allé après. J'y suis allé après. Non, mais avant. Bah oui, après. Ah, ouais, c'est après vous. D'accord. Quoi? Oui. Pour nous, après, c'est. Des fois, on utilise le mot. Je suis allé après. Ouais, je suis allé après. Je suis allé dans une autre dimension, là, ça y est. J'y suis après. Allez, après le truc que j'ai fait avant-hier. C'est ça. C'est comme ça. Tu dis tantôt. Tu sais jamais quand est-ce que. Ouais, tantôt, c'est tantôt. J'y suis allé tantôt. Cet après-midi. Mais pas, j'y suis allé à Tantouz. Tantôt, ouais. J'y suis allé. Youhou! Youhou! Mettez la gueule! Mercure! Digital! Là, tu vois, c'est la différence entre le numérique et le digital. Ah oui, tu la sens bien, oui. Ah, là, c'est pareil. C'est raccord avec ce podcast, c'est ça traîne tôt, là. La bière. Ok. Ça part en couille. Ah, ça traîne tôt, t'es pas loin. Sous, là, ça veut dire. Ça traîne tôt. Hop. Entre les deux. Ça picole. Ça presque, cher, donc. Ça débouche les bouteilles. Si ça traîne tôt, là, c'est que ça. Ça va, si. Ça va. C'est ça. Donc, on a mis les chaussures à. Son pied. À bascule. Chaussures à bascule. Ah, tu connais pas cette façon de mettre les chaussures à bascule? C'est quand t'es pas bien, tu sais, c'est quand t'es là, t'es. Ça compense. Ouais. Elle a mis les chaussures à bascule. C'est les chaussures qui compensent. Je connaissais pas ça. Il est à la buvette. Et alors là, il a mis les chaussures à bascule. Et le piètre. Oula. Ah putain. Et il refait là derrière. Et t'es là, là. Et ça piquait mon pauvre. Le coton, il piquait. Et après, il aura pas d'elle. Il a mis une espèce de tas de fou pour le monter. En fait, le deuxième épisode, c'est la méthode assimile pour parler patois, le troisième, on le fait uniquement patois. Ah non, le troisième, on s'encule. Non, c'est un nom négatif. Donc voilà, donc le prochain président va nous endoffer. Ou président, d'ailleurs, on n'est pas sectaire. El presidente. El presidente. Et on finit avec un dernier mot, on va faire un petit article qui va vous faire rire. Non, mais c'est un petit article, tu vois. C'est bien une enculade, c'est bien ce que je disais. Alors attends, venant de ma part. Pourquoi il nous a pas introduit ce quiz avec un dossier, il nous a introduit ce dossier avec un quiz. Ah oui, au mercure. Non, c'est. Piche. Une piche. Nicole Piche quoi. Une piche, j'ai un article de journal. Une piche. Non, piche. Ah, une chiffre. Non. Mais est-ce que c'est un rapport avec ça? C'est un rapport avec les pichenettes. Ah, c'est pas grave, c'est moins du coin. C'est une grosse pichenette. C'est une hyper pignale. Ouais, une pichenette, c'est ça. Une pichenette, c'est. Je vais vous dire ce que c'est que je l'ai mis. Une cagole. C'est une cagole. Ah, tu. C'est une cagole. Ah, moins entre les deux. Une fille, cagole, donc. Une blonde même. Entre les deux. Entre la firme et la cacole. Il y a un truc entre Il y a une variété. Châtain clair. Une variété. Moi c'était la même chose, fille, cagole. Non, bah non, mais... oh, ça c'est sexiste. Pas du tout. C'est réaliste. Oh, c'est pas de moi. C'est pas de moi. Une épouse. Enfin, la fille et la cagole. C'est la madame. Ça c'est machiste, par contre. Le Luciraptor revient. Please. Une fois, on parlait aménagement d'appartement, on m'a demandé qu'est-ce qui coûte le plus cher dans une cuisine. Franchement, tu réponds quoi? La femme qu'on met dedans, bien évidemment. Ah, t'avais une bonne, c'est pourquoi les femmes ont les pieds plus petits que les hommes? J'écoute, j'enlève mon casque. C'est pour être plus près de l'évier. Voilà, voilà. Ah, tu peux plus dire que c'est plus de toi là. Ah ouais, non, mais là, là c'est bon, c'est mort. Le sexisme revient. Ah, mais il est respire, respire, vas-y. Soupe, les... Comme pour l'accouchement, fais le petit chien. Dire que les homosexuels se sont battus pour le mariage pour avoir tout ça. Pour avoir des blagues sexistes, putain. Non, en fait, une piche, c'est donc une bite. Donc, tout ça, du coup, ça n'a rien à voir avec la fille, la cagole, la bite. C'est ça qu'il a dit tout à l'heure. Bah, oui, c'est ça. Il a jamais eu 23 entre les deux. Bravo, bravo. Non, non, mais j'ai pas fini. Non, et c'est aussi la poufiasse. Oh, et c'est un individu un peu bête aussi. C'est une picheuse, c'est le picheur. Ultra réac le patois, quoi. Et après, on a raison de l'interdire. J'ai mis derrière l'insulte préférée du Carmosé, Pink Floyd. Un Pink Floyd, une flamme rose. Ouais, ça, c'est universel. Voilà, c'est le Pink Floyd, c'est le gars. C'est le mec qui est perdu pour. Et donc, c'était jeudi que je finis ce quiz, enfin mercredi soir, et là, j'ouvre la dépêche du midi, et là, article qui dit magnifiquement que le Tarn a décidé de faire l'office du tourisme du Tarn a décidé de faire un truc avec des moules patois dedans. Coïncidence. Et donc, je vais vous lire ce magnifique article. Super. Donc, je ne crois pas. Le petit escampé vous invite à foussiquer et à poutouner. Pas à forniquer. Ah, il s'appelle le petit escampé, le nouvel outil de communication du comité départemental du tourisme casse les codes un brin éculé. Pas de florilège de monuments, pas d'hymne violonneux. Le violon de Daniel. Le violon de Daniel. À la brique et aux voûtes. Plein cintre, parce que c'est toujours des trucs jolis, là, comme ça, là. Même si les hauts lieux monumentaux y trouvent leur place, l'automne est au magazine et l'épigraphe emprunté à Françoise Chandernagor, putain, j'arrive pas à lire. Trop de... Chandernagor. Mandéralcor. Je mettrai le document, vous lirez. Alcor comme Albator. C'est ça, donne-le là. Je trouve mes plus grands bonheurs dans les petits plaisirs, comme une petite pipe. Oh, c'est un petit plaisir. Merci d'avoir pris ça. C'est quelque chose. Ah bah lui, il sait de quoi il parle, du coup. Les pipes, bah, j'en ai eu tellement peu que je l'ai. Non, on parlait des pipes. On parlait des pipes. Non, non, non, non. Surtout, ne lance pas là-dessus. Il va te dire que. De toute façon, à la fin du week-end, il va me dire que. Si me dit que. Alors, remercions pour cette petite pâquerette de podcast. De poésie. Pour l'instant, on est tout en poésie, tout en finesse. Hein. Voilà. Allez, laisse, tu nous écoutes. Bisous. Où tu sais. C'est donc le Tarn des petits plaisirs. Ah, mais il n'a pas fini en plus. Mais oui, du small. Et là, du small is beautiful. Ouais, loin du grandiose, que le petit escampé invite à découvrir. Le pays des recoins, du relâchement, du chemin de traverse, donc. Du rapatel. Le refuge du tourisme buissonnier, donc c'est le tourisme au moral visiblement. Le magazine, donc saine bonne raison d'aimer le Tarn, parce qu'il n'en a pas trouvé plus. En table des matières, rien ne presse. Chez les chaleureux, les copains d'abord, les fortes têtes, et une cinquième approche plus classique sur la diversité. Allusion aux mosaïques des paysages, à la surprise, au coin du virage. C'est merveilleux. J'ai rien bité. C'est pareil, ils ont mis des mots, ils ont mais tu sais, quand c'est la poésie bucolique de la campagne. Ouais. Tu n'as pas besoin de comprendre pour apprécier. En fait, il n'y a que toi qui piges. Il n'y a que toi qui piges. C'est Marcel Pagnol. C'est ça. Un poutou sur les deux joues. Ouais. Il est du Tarn, Marcel Pagnol. Non, il est de province, mais. J'ai eu peur. C'est quand même la poésie de la nature. C'est ça. On peut y faire un itinéraire épicurien, traduction locale, le coup de fourchette et gourgeon, y vivre 10 expériences, c'est toujours mieux qu'une. Crapahuter, adopter le régime tarni, je sais pas ce que c'est. Crapahuter, ça veut dire escalader. Ouais, c'est crapahuter. Crapahuter, ça veut dire on se balade dans les collines. Crapahuter, c'est tu prends pas le chemin initial. Tiens, tu prends les boules. C'est le rapatel d'Antoine. C'est prendre le, voilà, le rapatel. La... Ouais, ça va. Réciter une idée par mois. Ils sont comme nous, une idée par mois, c'est pas beaucoup. C'est ça. C'est déjà pas mal quand même. Ouais. On remonte aux sources locales du langage. On vient dans le Tarn, foussiqué, fureté. Ouais, c'est ça. Mais c'est à ça passe pas. Je regarde. T'inquiète pas, au visu non plus. Hein. Ouais, c'est ça. Toupiner, donc faire la cuisine. Poutouner, s'embrasser, tu vois. Ce jour-là. Toupiner, c'est faire la cuisine. Ouais, toupiner, ouais. C'est une toupine. Alors, c'est pas tout. Ah, parce que sur Bordeaux, il y a un restaurant comme ça, c'est la toupine. Ah, c'est Ziradakis, je crois, qui le tient d'ailleurs. C'est Zirakashvili. Une toupine, c'est une espèce de gros bocal en terre cuite. Ah, d'accord. Qui servait à conserver. Hein. Il est. Ça va, 1h05, c'est bon, on a les clous. Il se trompe. Ce magazine a la couverture douce, comme une peau de bêche. Pour ceux qui ne sont pas habitués à toucher les femmes, ça peut faire plaisir. Ah, ça te parle. Ah oui, bien évidemment. À la saveur acidulée de l'enfance, c'est quand tu lèches le merengue, et vite à retrouver. Il s'adresse aux urbains, forcément, qui ne savent pas c'est quoi la foule, et qui veulent souffler. Prendre leur temps et quelquefois le perdre. Un Tarn du farniente, des surprises. Un Tarn qui ne se la pète pas. Un Tarn qui nous ressemble. Hédoniste. Qui sait vivre. Et putain, mais c'est bon. Retirez-lui le livre, là. Attache-moi des mains, là, parce qu'il n'en peut plus. Le petit escampé a fait un tabac lors de sa sortie. Auprès des prestataires privés, un Tarn comme ça donne envie de le poutouder. Oh. Et c'est fini. Bravo! Heureusement, il y a compressor. Note à toi-même, descendre la saturation. Pichez-vous fort. De toute façon, je vais voir mon compte à faire. Wouhou! Merci, Philippe. Je lâche le mic. Mais en même temps, ça va bien faire rigoler les gens. Ah, mais les gens, je pense qu'ils vont rigoler. Merci pour ce dossier d'introduction de. T'imagines, les gens qui vont t'écouter, ils seront dans le RER. Il sera lundi matin. Ça, il y aura Marine Le Pen qui sera président de la République. Oui, et ils feront moins les malins. Moins long que mon dossier. Genre. Et ils se rappelleront l'époque où c'était encore François Hollande qui était président. Et ouais, c'est ça, ils seront pouvaient faire des podcasts en rigolant, quoi. Finalement, on rigolait encore en France, quoi. Quand même, j'ai 80 qui va enculer tout le monde. Et ils vont se passer ton épisode en repeat en repeat. Alors qu'il n'arrive jamais en plus. Et bien sur ce, on va passer à quelque chose qui me laisse un peu pantois. Un blind test, les yeux ouverts. Waouh. Un open eye test, quoi. C'est ça. Salut à tous. Je vous propose aujourd'hui d'apprendre à dessiner un personnage en pied. Vous êtes prêts? Alors allons-y. Faites une forme de saucisson qui coupe au milieu. Voilà, et puis faites pareil des saucissons comme pour les jambes. Et une fois terminé, vous pourrez obtenir ceci. Un personnage sortant des flammes, tel un survivant. Mais alors du coup, vous connaissez pas l'origine de cette blague, c'est ce que je demande en dédicace en fait. Mmh. Un homme sortant des flammes, tel un survivant. Et ça vient d'une vidéo, de cette vidéo justement, où un mec explique comment faire un homme sortant des flammes, tel un survivant. Sauf que c'est tout ce qu'il faut pas faire. Voilà. Ok. C'est juste pour l'origine du... Donc moi, en fait, c'est un blind test de générique de série. Ah. Ouais, allez. Donc il faut que je mette le nez écouteur. Et oui. Ouais. Du coup, les gens du chat ne peuvent pas participer. On s'en fout, il y a personne. De toute façon, on va dire le résultat souvent assez rapidement. Bah ouais, on s'en fout du chat. On s'en fout, il y a personne. C'est dommage pour le live, mais bon. Ouais. Vous êtes prêts? On se rattrapera. Moi, personnellement, je suis prêt. Fais péter la sauce. MacGyver. Touché dans la place. Touché, il est badass. Hein. Il y a des trucs qui sont hyper rapides, il y a des trucs qui sont moins rapides. Alors là, J'aime quand c'est. Bah, les rapides, c'est Gandalf, les moins rapides. Ah, mais ça, c'est Walker Texas Ranger, ça. Ah, ouais. C'est rapide, hein. Moi, c'est toujours rapide. Hein. Au cœur. Ouais. Putain, mais avec les courses poursuites à 2 km. Je me souviens, le dimanche midi, on mangeait des pilons de poulet devant Hooker, c'était mortel. La vie, triste. Non, j'étais jeune. J'habitais chez mes parents, c'était les années 90. Oui, et après, c'est passé au fameux poulet frites. Voilà. Hein, non, mais le poulet frites, c'était Henriquette. Non, ça, c'était la poule au pot. La poule à pot. Oui, c'est vrai. Désolé. Fonzi. Hey. Fonzi. Les rues de San Francisco. Non. Manix. Riptide. C'est pas Manix. C'est pas Riptide. Non. La White Police. Non, il y a une news par rapport à cette série qui est passée il y a pas longtemps. Et qui se transforme. Non. Non. C'est une bonne idée. Non. Non. Non. C'est vraiment un léger. Canon. Non. Chut. Yeah. Ah, Ponche. Poncharello et Chic. Chic. T'es genre quoi. Tu connais pas. Ah ouais, mais non, mais c'est vrai, ouais. Jus de coup, t'as quoi, t'as 20 piges. C'était la bonne musique, sans déconner. C'était des motards. Ah non, c'était la bonne musique. Des motards. Ouais, c'était Diabolo. La news, c'était quoi? C'était Ponche. Fais quelque chose. Le bras, c'est Ponche. Devenu police, bah c'est Poncharello. C'est ça. Ouais, ouais, exact. C'est magnifique. Mais c'est les années 80, ça. C'est la grande époque canon. L'amour du risque. Ouais. Je m'appelle Jennifer. Je suis grand patron. L'amour du risque. Non, mais j'ai révisé avec le quiz de Picabou. Jonathan et Jennifer. On est perdu dans le milieu du désert. Merde, je croyais que c'était justice et milliardaire. C'est la version. Ils ont de l'argent, ils se font chier. Si. C'est ça. Ça. Ouais, c'est ça. Hein. Ça, c'était bien, ça aussi. Non, ouais. Avec la petite momie qui était sur son trône, là. Enfin, la momie, parce que. C'était quoi? C'était M6 qui avait diffusé ça en premier. Je crois. C'est possible en France. Ouais. Ah, c'était le bonheur, ça. C'était bien, quoi. Ça, j'aime bien. Format court, c'était toujours bien prenant, tout. Bah après, ouais, c'est puis avec plein de guests de folie, des acteurs. Ouais. Oui, à chaque fois. C'est nu, hein. Moi aussi. Oh putain! Papa Schultz! Ouais! Ah, Marine Colonel! En fait, t'allais le trouver avant. Ah ouais, mais genre, le son est tellement. Non, non, mais je suis imbitable. Là-dessus, je rentrais tous les midis du collège et je le regardais c'est en même temps. Moi aussi, j'ai toujours adoré les nazos. Colonel Klink! Tu sais que même dans un épisode de Simpson, il y en avait les oui, il y a un Colonel Klink, ouais. Ah, quand même, c'est nazi! C'était bien! Comment il s'appelait? On devrait remettre Papa Schultz à la télé. Ouais. Mais c'est toi, on dénigre pas les nazis. Il y avait le black qui était radé. Il y avait l'anglais. Il y avait le garde aussi. Tu sais, le... Ah, Papa Schultz. Bah oui, Schultz, oui. Sergent Schultz. Sergent Schultz. Ah. Et l'autre, le général, comment il s'appelait le général. Arnstetler. Il avait la même voix Arnstetler. Que le patron du frère de Malcolm dans la série, là. Oh là, y a trop comment de il s'appelle le frère de Malcolm Riz. Celui qui est parti en Australie. En Alaska. Francis. Et ben le son patron, c'est le même que Papa Schultz. Otto. Ah oui. Otto, oui. Otto, ouais, voilà. Il est mort. Ouais, bien fait pour lui. Salut. Ah putain, c'est pour rien. Oublié en scène. Ah ouais, non, c'est génial. C'était un truc de la trilogie Samy, ça va. Angel. C'est Angel. Angel. Ouais. Ah ouais. Ah, j'ai pas accroché. Avec Anthony Vinotto, un fauteuil roulant. Oh. Anthony Vinotto. Ouais. De NCIS. C'est pas Angel. Non, ça c'est Dark Angel. Dark Angel. Ah, c'était dans Dark Angel, merde. Oui, c'est David Boreanaz, c'est Angel. Oui, voilà, c'est ça. C'est la suite de Buffy contre les vampires. Ouais, oui, David Boreanaz. Dans Dark Angel, celui qui joue Tony Vinozzo de NCIS, c'est le mec qui est en fauteuil roulant dans Dark Angel. Tu crois qu'il s'est tapé Jennifer Garner? Et j'espère pour lui. Ouais, j'allais dire la même chose. C'est sûr qu'il n'est pas handicapé là. Mais c'est pas Jennifer Garner. Non, non, c'est comment elle s'appelle, hein? Jessica Alba. Jessica Alba. C'est Jessica Alba. Ah mais je confonds avec Alias. Oui. Ah non, Jessica. Non, yeah. Garner, c'est Ben Affleck. C'est Ben Affleck. C'est Ben Affleck. Ouais, Bernard Fleck. Bernard Fleck. Eh oui, parce qu'ils ont joué dans Tendre de Ville. Oui. Il y en a qu'on dit. C'est Electra. C'est Electra. C'est ça. Ah oui, et... mais il y a Evanescence dedans. Alors et c'était bien à l'époque. Et il y a des gens qui te regardent dos et qui te disent ouais, non, mais quand même. La cible. Batman versus Superman, c'est moins bien que Daredevil. On n'a pas vu le même Daredevil. Hein. T'es sérieux là? Non, mais. Moi, je dois avouer que j'ai vu 2-3 fois ce film à l'époque parce que le générique c'était Evanescence, alors c'était bien. Lois Lane and Superman, c'est ça? Non. Oui, c'est Clark. Oui, c'est Clark. Avec Terry Hatcher. Terry Hatcher. Terry Pratchett. Bravo. Les aventures du disque monde. Ouais. Hein, après les aventures du disque. C'est lui qui portait les tortues. D'un seul doigt. Eh ouais. Digital ou digital. Et il prenait la température de la tortue. D'un doigt digital. Dossam. Ouais. Oh, j'ai honte. Oh, putain. J'ai honte. Je vois toujours le même où il pleure là. Je l'ai fait sur Mumble et c'est Kenton qui l'a trouvé en 2 secondes. Pas, il fait ah, c'est deux sommes ça. Non, mais... ouais, c'est ça. Calme-toi, Kenton. Calme-toi. C'est le genre de série que je peux pas blairer. Ouais, c'est ça. Et pourtant, tu connais le générique par cœur. Et parce que si tu écoutais vraiment mes podcasts, tu saurais que je les connais uniquement parce que c'est une période de ma vie que n'était pas gênée. Ça, c'est réflexe pavlovien. Oh mon dieu. Non, mais c'est ça. Un peu flou. C'est exactement ça. Les genres Buffy contre les vampires, Dawson, qu'est-ce qu'il y avait, Beverly Hills. Personne s'est rappelé de Roswell. Moi, ça fait exactement la même chose avec les conférences de Stephen Hawking. Ah oui, voilà, c'est ça. Tu sais où t'avais le travelling là, où ça, tu sais ça, un côte prolongé comme ça, et puis il radait vers le ciel là, et puis t'avais du dido, c'est ça. Pour moi, c'était le cliché de la série américaine. Ah oui, avec Rose McGowan. Ah non, ça c'est Charme. Mais oui, c'était ça. Ça c'est Charme. Rose McGowan. Beverly Hills. Putain, mais. Évidemment, tout ça. 90-212. Non, si, si. Ouais, c'est 90-210. Oh, putain, même ça, je m'en souviens. Et derrière, il y avait une Melrose Place. Mmh. Ouais, enfin. Pour te dire, si j'ai honte. Si tu vois, mais sous le soleil, je balance tout. Sous le soleil. Avec la femme qui parle en français, mais on sait pas trop qu'elle parle. C'était Hallyday qui jouait dedans. Non, Adeline Hallyday. L'autre, j'ai pu peut-être parler au moment de la. Je comprends pas ce qu'elle disait. Ah oui, la. Charme. Les madames sont sous. Avec Alyssa Milano. Excusez-moi du peu quand même. Les madames sont sous. Quand madame, tu vois Madame et Serge qui regardent Charme, tu fais... envoies les tétons qui pointent. Bonjour madame. Moi, à l'époque, j'adorais déjà Madame Estarby. Hein. Mais quand même, les ah ouais, donc t'es pédophile dans l'âme. J'étais plus jeune, j'étais gamin quoi. Ah ça y est, les matures, c'est bon. J'étais gamin quoi. Alyssa Milano quand même. Ah ouais, non, elle est quand même. C'est quand même la seule actrice qui fait des mèmes avec ses des gifs d'elle-même en fait. Ah ouais, avec Trump, avec un gif d'elle en fait, où elle rigole un truc. Oui. Bah, sinon, elle est bonne, classe, tout court. Sans que ce soit classe, elle est bonne, tout simplement. Ce n'est pas la quatrième dimension. C'est pas la quatrième dimension qui est du réel. Au-delà du réel, oui, c'est ça. Après, c'est le petit français, ça se trouve. Non, parce que le générique visuel doit être à peu près le même. C'est ça, Twilight Zone. C'est la quatrième. Mais oui, non, mais bon. C'est Twilight Zone, c'est là où ça pue. La quatrième dimension et Twilight Zone, c'est même au-delà du réel, c'est autre chose. Ah oui, c'est oui, ça c'est exclu M6, normalement. Ouais, exact. J'ai vu l'épisode où le gars il tournait sa tête sur les mêmes. C'était là-dessus. Ah, le prince de l'air! Will Smith. Will Smith. Ouais. Petit ange parti trop vite. Parti trop tôt dans sa femme. Il nous écoute parce que j'ai envoyé une invitation sur un message privé. Ah, Donald Trump, tout ça, tu vois. Il est noir! Il était était flic, il faisait du bon travail. Le rebelle. Il a mis le crime le plus grave en témoignant contre. C'était ça flic. Oui, oui. Appelez-le. Comment il s'appelait l'acteur, putain? Celui qui a les cheveux longs, là. Oui, oui. Sur sa moto. Oui. Il avait un nom de bon. Et ça passait le dimanche après Hooker. C'est possible, oui. Il avait non, ça passait après Vinny Terranova. Oh, un flic dans la mafia. Il est un mono ton générique, il est que dans l'oreille gauche. Lorenzo Lamas. Ah voilà, c'est ça. Putain, ce nom de bof qu'il avait. Lorenzo Lamas. Lorenzo Lamas. Le gars, il avait le nom. Et l'Endien, il servait à rien, l'Endien. Il était là que pour le quota, qu'est-ce que tu veux? Bah à ton avis. Un biscuit? Putain, mais vous allez me ruiner, quoi. Mais t'as dit qu'il fallait le finir. Ah oui, non, mais finir, c'est une allégorie, quoi. Non, mais on va se finir. Merci, c'est pas ça. Buffy contre les vampires. Et Sarah Michelle Gellar quand même. Hein, elle avait de beaux yeux, hein, cette avec la dernière saison. C'est un podcast, je crois. Pourquoi Buffy c'est bien? Pourquoi Buffy c'est génial? J'ai pas écouté, mais j'ai pas regardé. Je le connais que de nom, mais j'ai pas regardé Buffy à l'époque, mais je comprends pas. Et ça arrive à faire autant qu'un épisode de Buffy. Non, mais c'est parce c'est que t'as chaque épisode, il traite une thématique de Buffy, même là. Mais c'est très fort, pas, vous en parlez. Ah, il y a des trucs, hein. Je pense que c'est très très fort comme exercice ce qu'ils font. Putain, Lorenzo Lamas, que t'en veux? Bah oui. Ah putain. Et Mike Hammer, Claire de Lune. Ah non, c'est plus votre génération, ça. Michel de Lune avec Bruce Willis en premier, Smith, quoi. Ouais, ouais. C'est ce qu'il a fait connaître. T'as là, tu vois le coup de vieux que tu prends là quand tu parles au petit jeune de Caroline. Comment? Les têtes brûlées. Non. Les brigades du tigre. Fox aventurière. Les brigades. Et les brigades du tigre. Surtout dans Westworld. Les brigades. Le dimanche soir. Pas vu Westworld. Le dimanche soir. Comment elle s'appelait? Carré. Non, c'était le dimanche soir à 19h pendant qu'on mangeait. Maggie. Maggie. C'était Maggie. Oui, oui, exact, oui. Elle s'est cachée là dans le bois. C'était son assistante aussi, Claudia. Elle était pas dégueulasse non plus, la blonde. Celle qui restait au bureau toujours. Maggie, c'était Rodiva. Elle était pas bête un peu. C'était un peu la blonde, quoi, mais elle était quand même. J'étais Maggie. Ouais, on la regardait pas pour son intelligence. C'était la petite intello qui restait toujours dans son bouquin au bureau. Ouais. J'étais Maggie. Attention, ça risque d'être rapide. Attention, regarde. Vas-y, Aval. Retiens-toi, Adolf. Adolf Aval. K2000. Mais non, K2000. Avec Michel Chevalier. Ça, ça a été l'époque des K2000, des supercoptères et l'autre, c'est sur sa moto là. Tonnerre mécanique. Mais il y en avait un avec. C'était sur la 5. Avec un bateau aussi, le catcher. Oui. Hulk Hogan. Ouais. Avec son bateau qui se transformait. Merde, oui. Ouais, mais ça a pas duré longtemps. Je peux pas aller sur la 5. Il le repasse encore. Il y a une suite. On a eu un film non, c'est oui, il y a une suite il y a quelques années. Une autre série, ouais. C'est la suite de ça, ouais. Je suis pas trop cramé sur les séries, ça. T'es badass, hein. Il existe des êtres doués d'une intelligence supranormale. C'est le caméléon, putain, ouais. Avec Jarod. C'était tellement bien le caméléon. Ça, c'était super bien. Et on n'aura tellement jamais la fin. Et Miss Parker, elle avait tellement de beaux yeux. Mais elle était méchante, donc on l'aimait pas trop. Ah, mais il y a des fois, faut savoir passer l'éponge. Des bruits de passage d'éponge. C'est vrai méchante, mais en fait, ça bégaye. Sarah Jessica Parker, d'ailleurs, à sa place. Ouais, Parker. Et ouais, il y a des fois, le méchant, c'est Ray. C'est comment il s'appelait? Reigns. Il s'appelait le chauve avec sa foutue. Avec son arc qui manque un doigt à la fin. Il le méchant. Il manque un doigt. Ah, mais ça, c'est pas digital. Non. Il lui manque tu verras au montage. Hein? Dans toutes les cultures tribales, c'est The Sentinel. The Sentinel. The Sentinel. Ça, ça passe. Il a fait ça. Est-ce que tu nous as mis L'enfer du devoir. Non. Comment ça répond déjà au truc qu'il va mettre après, quoi? Tellement ils sont rapides. Battlestar Galactica. Rien. Bonsoir, Rick, c'est Didi. Convocateur. Attention. Je suis Duncan MacLeod, né il y a Islander. Ouais. Non, il est trop fort. Non, mais après, il y a le. Mais oui, mais moi, j'étais là, mon cerveau, il était là. Ah, mais t'es assis, toi, ça coince son genou, c'est ça? Mais je crois, voilà, quoi, t'avais déjà dit, alors que j'ai. Duncan MacLeod, à peine, il pense 90% de la réponse. Mais oui, je sais. Oui, oui, c'est quand même la seule série qui peut se vanter, on a du Queen quand même comme générique. C'est à peu près le seul succès de la série. Un génial, parce que franchement, est bien pourri avec la crise. Ah ouais, c'est putain! Qui est Highlander aussi, mais. Ah, je sais pas. Mais elle est Highlander. Ah oui, mais c'était nul ça. Oui, c'est ça. C'est une grande Highlander. Highlander. Attention. Ah putain! Demain à la une. Demain à la une avec. Comment il s'appelait? Il y avait Gary Hobson. Gary Hobson. Ça fait très générique TF1 ça. Ah non, mais la non, fin. C'est la... M6. C'est M6 aussi. C'est M6. La, la fin est. L'origine, la fin c'est très bien. Demain à la une. Ouais, moi, j'ai le gars, il recevait le journal du lendemain. Ouais, ouais, ouais, c'est ça. Et c'était à chaque fois qu'il grattait un ticket, il gagnait. Non, mais en fait, il s'interdisait en plus. Ouais. Non, mais quand il avait vraiment besoin d'une pièce pour passer un coup de fil ou un truc comme ça, il lui filait un gratté, un ticket à gratter. Il prenait sa pièce. Il se faisait rembourser ou il gagnait son le dude pour passer son coup de fil et il allait téléphoner comme ça. Oui, c'est vrai. Et il y a un épisode avec Sam Hollow, le flic de Shanghai. Ah oui, un crossover avec le flic oui, de Shanghai. Oui, exact. Oh, le et flic de Shanghai. Ça, c'est énorme. Ça revient, le flic de Shanghai. C'est Serge Giffrey. Et Brix, si tu nous écoutes. Crazy MT de la période du Capitaine. Crazy, ouais. Crazy, ouais. Et du coup, il a tweeté là-dessus. Il disait, ah putain, il est vraiment partout, Sam Hollow. Il y a un crossover. Sam Hollow, ouais. Puis du coup, le samedi matin, je regardais, j'ai. Ouais, putain, qu'est-ce que c'est chiant, mais. Sam Hollow, quel est le film. Après, le flic de Shanghai, j'ai jamais été trop fan, mais. Ah si. Moi, je me souviens d'un moment où il avait les deux perches là, il nous faisait du Jackie Chan. Mais oui, c'est ça. C'est ça. Putain, non, non, non, non. C'était Jackie Chan la série, mais pas avec Jackie Chan. C'est ça. Un autre Belle Familia. Avec le grand 8, ils ont fait ils ont sorti le truc je sais pas combien 20 ans après. Oui, ils ont fait un là c'est pareil hein, la copine à celui qui jouait de la musique hein, qui avait les cheveux jusque là. La brune. Dana, Dana et... les deux filles de la mère. La copine de l'oncle. La copine de l'oncle. Celle qui était journaliste. Ah, je crois moi. Je sais plus. Mais enfin, les deux filles de la mère, en tout cas, c'était ça. Ouais, deux filles de la mère. Oui, la brune et la blonde. Ouais, la brune et la blonde, les grandes. Putain, j'ai fait step by step. Parce qu'après, c'était les garçons. T'avais. Non, Cody, c'était le. Cody, c'était le cousin. Avec le chapeau fromage. Ah non, mais non, je confonds avec ça. Et quand il mangeait de la glace, il avait toujours mal au palais là. Ah, je suis complètement parti là. Notre Belle Famille, donc du coup, c'est. Notre Belle Famille, en fait, c'était une famille recomposée. Jessica Biel. Non, celui avec qui jouait dans Dallas, là. Non, ça, c'est 7 à la maison, ça. D'accord. C'était une famille recomposée. T'avais la mère qui avait deux filles et un fils, et le père qui avait deux fils et une fille. Ah, il y avait autant de monde que ça ? Et ouais, oui, ouais. Et ouais, ils étaient 6. Il y avait deux filles et trois garçons, dont Cody. Day by day. Du coup, c'est... Ah oui, avec Patrick Dufy. Oui, avec... Oui. Et c'est là qu'il y avait Jean-Luc Rieux. Qui était charpentier et tout ça. C'est ça. Mais sa femme, c'est pareil, elle avait des yeux magnifiques. La brune à droite, d'ailleurs. Et les deux filles de sa femme, elles étaient sacrément mignonnes. Ah ouais, exact, ouais. Jean-Luc Rieux-Pérou. T'as la brune à droite. Ah ouais, elle a des sacrés beaux yeux, quand même. Mais oui, putain, c'est bizarre, ça. Tu montrais pas ses yeux. Ah, parce que c'est la perspective. C'est la perspective qui fait ça. Il y avait la puis elle est pas myope, hein. Elle regarde bien droit. Franchement, elle te regarde pas dans les yeux. Les épisodes de la fin de la série qui sont cultes, là où ils sont au parc d'attractions et qu'il y a Cody qui essaie de faire toutes les attractions en moins d'une journée, qui se retrouve à faire le Indiana Jones, mais le mec il est malade ou je sais pas quoi, du coup c'est lui qui monte sur scène pour faire la passe. C'est énormissime. Moi j'aimais bien Jean-Luc Rieux-Pérou. Ah oui, ami d'histoire, bonsoir. Wonder Woman. Il y a que moi qui écoute. Parce que dans Smallville. Non, mais j'ai écouté, mais. T'aurais pu trouver. Mon cerveau, il est à moitié anesthésié, quoi. Ah, tu vois, il a pas écouté. Wonder Woman, avec son lasso magique. Ouais. Et Wonder Woman, elle est plus forte que Superman. C'est ça. Et puis, il y avait une scène énorme. Et Jessie Conner et Kanzer. On sait bien que c'est le plus fort, l'hippopotame. Oui, Superman. Ouais. Ah, et c'est pas moi, c'est comment il s'appelle, c'est. On rigole, mais dans Smallville, les grands-parents de je sais plus qui, là, ils étaient du tard. Merde, Cairn, c'est Cairn qui le dit, Wonder Woman, elle a tout contre tous les autres super-héros. Donc techniquement, c'est elle la plus forte. Mais ça n'engage que Cairn. Oui, bon, oui. Grand maître devant tout l'éternel. Ouais. Devant l'univers. Grosse voix. Gloire à toi. Super content. Bah, je, ouais. Par défaut, c'est honnêtement, c'est ce que j'aurais dit d'entrée. Au cas où. C'est trop fort. Ouais. C'est pareil, c'était par défaut. Ou alors super ventilateur, mais. Alors là, vous je sais pas si ça passe. Pour Benjir, s'il vous plaît, hein, pour qu'il en ait au moins une. Non, non, non, ça va, c'est pas la peine. Ah bah oui, c'est X-Files. Ah. Hey, il a même fait en version originale. Aux frontières du réel, c'est quand tu passes en TVA, tu passes au réel, là, aux frontières du réel. Aux frontières juste avant de passer à la TVA. C'est ça, c'est la TVA. Tintana. Sarty Hutch. Whiskey Scotch. Il y avait la Barton, la variante Bounty et Crunch. Ah oui, c'est Sarty et Hutch. Dans une Ford Torino de 76. Et si on pouvait voyager dans des mondes parallèles. Sliders, oui, les mondes parallèles. Les mondes parallèles. Mais non, c'est pas de la merde, la première saison est. La première était. Non, mais je parle de la fin. Ah oui, non, mais après. Ah, mais toi, t'as eu le courage d'aller jusqu'à la fin. Ah oui, je me souviens. Où il y a le frère qui venait d'un monde parallèle. Et qu'en fait, le portail est Queen. Oui, mais en fait, il a pas juste un portail Queen, bien. Mais c'est vrai, l'épisode non, mais parce que pour ceux qui ne savent pas, le personnage Queen, principal s'appelle Queen. Donc le portail Queen. Ah oui, c'est vrai. Et tout le monde meurt. C'est auto-trollé, ça n'est même pas en décor. Gimli meurt, le noir qui meurt, tout le monde meurt. Et Boromir. Et qu'est-ce qu'il connaît Boromir en troll? C'était des vrais frères, les deux acteurs. Oui, qui jouaient, c'était les O'Connor. Oui, non, ça a des noms de roast beef. C'est des vrais jumeaux, ouais. C'était des jumeaux, non, c'est pas des jumeaux. C'est pas des jumeaux. C'est des monos ou des trisigotes? Ils étaient irlandais parce que quelque chose. Ouais, c'est ça. Okanaga, O'Connell. C'était pas des roast beef alors. Le frère, il a joué dans Preuve à l'appui après. Oui, exact. Preuve à l'appui. On l'a revu dans plusieurs. Moi, je regardais quand ça passait. Attention, il y a des crossovers Preuve à l'appui, Las Vegas. Oui. Le crossover. Je change. Attention. S'il veut bien, la palette. Ah, palette. La palette ne répond plus. Oh putain. Hawaii Police d'État. Non, ouais. Malibu. Alerte à Malibu. Alerte à Malibu. Alerte à Malibu. Alors là, on a franchement la plus belle paire d'yeux du monde entier. On est plus. Non, mais on parle que des yeux. Ah oui. C'est pas du tout. I'll be there. Ah oui. Ah. Power Ranger. Ouais. Oh. Mais c'est Power évident. Ranger ça. C'est Power Ranger. La première saison. Rien que le rire des méchants. Avec la femme. Et le méchant rouge là. À quoi ça me fait penser? Il y a une chanson comme ça qui a une intro de la même manière. T'es attends. Ah. Allez, attention, on se fait le tapping au début. Non, non, non, non. Remets-nous le tapping. Magnum. Ouais. Il avait des voitures. Hey, petit bonhomme. Il avait des chiens et des. Avec Higgins. Ouais, Higgins, voilà. Ouais, il avait des. Miami Vice. Ouais, ça. Ouais. Miami Vice. C'était pas mal. Il a mal tourné le. Ça, le c'était. Putain, ouais, ouais. C'est possible. Il a mal tourné, hein. Putain, lui, il est une super copter aussi, le terrain est mort. Alf. Wow. Oui. C'est Alf, ça. Ouais, connaisseur. Un genre de voilà. Chauffage. Ça passait que sur France 5, heureusement, ça, je m'en rappelle jamais. Oh putain! C'est un truc un peu sexy ça. Non. Si. Cosby Show! Non. Ah putain, c'était le style pourtant. C'est, en tout cas, le groupe c'est US. Mais c'est un truc comme ça. On n'est pas loin de, c'est du Cosby Show. C'est pas du tout, C'est pas le gros là. Pas du tout, du tout. Le père de famille? Pas du tout, du tout, du tout. Tu vas me dire le style? Je crois que c'était le Cosby Show. Attends, moi je sais jamais. Ça tient en deux lettres et c'est la suite d'un film. AB, AC, AD. C'est ouais. Avec Bluey. Avec Bluey. Putain, mais je le connais ce truc en plus. Je ne saurais pas le titre. Bluey. Il va me le dire, ça va m'énerver. Ah, je vais être obligé de finir le whisky. C'est dans le monde de l'enquête. Mais c'est pas l'inspecteur qui fait l'enquête, c'est un autre mec à part qui. Le commissaire. Susan Thomas, les yeux du. Non, du truc. Non, c'est pareil, c'est un truc d'enquête, mais c'est vraiment elle. Excuse-moi. C'était pour dire quelque chose. Non, attends, qui c'est qui faisait les enquêtes? C'est américain? C'est américain, c'est pas le policier qui fait l'enquête, c'est l'autre qui l'aide à résoudre. Inspecteur Gadget. Son métier en fait. Oh, putain, mais oui! avec une sacrée perdue aussi. Ah oui, ah putain, ça me dit rien, c'est important. Mais ça ne veut pas passer sur France 3 ou si c'est... Non, ça c'est pas France 3. C'est sur la TF1 ou c'est pas le style France 3. C'est beaucoup trop funky pour France 3. Ça c'est du M6, ça. C'est ouais, c'est groovy. C'est groovy. Vous trouvez pas? Non, je l'ai pas. Funky, c'était FX effets spéciaux. Putain, oh. C'était bien la vie. Je l'avais pas. Mais oui, putain. Sauf qu'en gros spoil, je me souviens plus de l'arrivée d'horreur. Je l'ai pas regardé. Quoi? Comme ça, je le répète. Elle avait des gros nichons. Elle avait des beaux yeux. Oh, mais si, oui. Il sera là au TGS. Ah, Parker Lewis, toi? Ouais. Non, c'est ça. Ouais. Marker Lewis ne perd jamais. C'est ça. Avec le gros fat, Kouviat, qui jouait dans l'urgence après. Ouais. Attention. Non, c'est pas celui-là. Non, c'est pas vrai. C'est un truc à voir avec Tintin ou Sherlock Holmes? Non. C'est aucun des deux. Non, non, c'est... Flash. Ouais, Flash. C'est Flash. Le gros nul. Ah, je m'en souviens pas. A noter que le Flash dans la nouvelle série, c'est le père, celui qui joue le père de Flash, c'est Flash. C'est le Flash de cette série en fait. Et le mec qui a joué Flash, c'est pas celui qui a joué dans The Sentinel aussi? Non. Il lui ressemble vachement. Peut-être parce qu'il lui ressemble. Il a l'air sérieux là. Oh putain. La bonne guitare 90, ça. Ouais. Je ça se prie à lire, il est la bonne guitare électrique 90. C'est français. Oui. Merde. La guitare qui bat. Bah, oh. C'est français. C'est français, ça. Il est pas tout le temps. Jean-Claude. Non, mais sûr, c'est que je connais. Il est tout le temps. Bernard. Non. Mais De toute façon, ils ont fait la même soupe à la même époque, c'était AB1, donc... C'est AB1. Nos années collège. Sur le cap Espagne, là... Les garçons. C'était pas l'université des sports, là, sur la côte... méditerranéenne. Non. Bon, en fait, je trouve pas, mais il me semble que c'est français. Oui. C'est quoi, du coup? C'est quoi le titre, déjà? Mon cul, c'est français. Non. Ça s'appelle Hartley. Cœur à vif. C'est australien. Ouais, oui, c'est pas français. Ouais, c'est pas loin. Avec. C'est pas loin. C'est australien. Cette histoire s'est déroulée il y a très très longtemps. Ouais. À l'époque des mythes et des légendes. Ah putain, j'ai mis en blanche. Cette voix, elle est tellement connue. C'est Mystérieux Cité Nord. Oui. Faire souffrir les hommes. Un seul homme a osé les affronter. Hercule. C'est Hercule. Celui qui rigole. C'est bizarre, c'est la même voix du mec qui faisait. Celui qui faisait Mystérieux Cité Nord. Qui fait le générique quoi? Celui qui faisait Mystérieux Cité d'Or? Non, c'était beaucoup plus grave les Mystérieux. Ah bon? Oui, mais c'est très proche. Le petit truc à la fin, le petit reportage, c'était pas mal. Oui, Cité d'Or. D'ailleurs, j'ai vu, c'est quand l'autre matin, je me suis levé, ils étaient en train de la repasser. Hein. Ouais. Il y a Esteban, il est dessiné, mais à l'arrache, quoi. Le mec il était en train de se branler quand il le dessinait. Il ressemble à rien, quoi. Mais ça, c'est le générique de début. Mais t'as la voix, je crois. Ouais. Le 16e siècle. Bah, si, c'est la même voix. Des quatre voix. Pas loin, hein. De gigantesques voiliers partent à la conquête. Je pense que c'est la même voix. Ah, à bord de ces navires. Honnêtement, la tessiture de voix. Mais l'autre, pour voir. Pas loin. Mais les deux en même temps. Ouais. Non, je peux pas. Je peux pas. C'est trop. J'en étais fou de tout ça. J'en étais là. T'en étais à la série australienne. Oui. Marc Lacœur à vif. C'est ça. La cloche a sonné. La musique est super en tout cas. Ça c'est français. C'est comme si on se préparait la musique à s'envoler. C'est une beauté. Moi déjà tu vois j'écoute les paroles, j'attends même pas que la série elle démarre. C'est pareil. Ça peut bien les gars. Une course contre le vent. C'est une série ça? Dans un éclat de tonnerre. Ah c'est l'étalon noir. Oh wow. Putain mais le vieux là. C'est ça. Mais le vieux. Je sais pas, c'est ma fille qui a regardé ça à la télé. Mais le vieux là. Ma dernière qui a regardé ça parce qu'elle adore les chevaux. Étalon noir, ça veut dire que c'est pour que... Ça te prend le temps ? Pas du tout. C'est très fantastique. Ah, oh, si. Dynastie. Pas du tout. Mais presque. Mais pas du tout. Ah bah c'est l'autre, alors. Ah, pas du tout non plus. Quest ? Ah, pas du tout non plus. Sans... Non. C'est simple ? C'est avec un... Ouais, non, mais je... Hein ? C'est avec un... Avec quoi, Rune Davis ? Non, Merde, non, avec... Et l'autre, hein. Ah, mais c'est quoi ? Joséphine Osgard. Non. Non, un nain, pas une naine. Comment il s'appelle ? Merde. Il avait un sac ? Avec plein de choses, là. Oui. Et c'est tout ce que je me rappelle, c'est le combat dans le générique. Mais oui, tu sais quoi, les Danish ? Ouais. Vous savez pas ? Non. C'était le magicien. Le magicien. Voilà. On connaît pas. Oz. Le magicien. Le magicien. Le magicien, le magicien, on l'a tiré avec des roquettes. Ah, la sorcière d'animé, avec Tabata. Jean-Pierre. Jean-Pierre. Et puis qui meurt, et puis c'est pas le même apparecteur, mais ça n'en change pas le nom. La musique est top, ça doit être des années 80. Non, c'est plus tard. Ça c'est 2000. Ça c'est plus tard. Vu la sonorisation, c'est plus tard. Ça ressemble à du... Ça ressemble à du R&B pourri. Ça ressemble à une espèce de truc avec Jessica Alba ou je sais pas quoi. Un peu dans ce style-là, genre Alias ou je sais pas quoi. Presque. Ouais, tu vois, Black Dark Angel. Il va falloir se brancher bientôt. Non, enfin, je sais pas, je suis pas trop sûr de la suite série de ces années. C'est ça le générique. Ah, je sais pas. Va falloir se brancher bientôt, jeune. Ah bah. Le câble est quelque part sur la table. Il est là. Si tu veux, je vois pas. Je vois pas si. Mais la musique est géniale en tout cas. Ah bon ? Putain, j'adore. Ah d'accord. Tu peux sortir, c'est bon ? D'accord. Je mets dans ma voiture et là, je suis là. Alors, pour vous aider. Je vois pas ce que c'est. C'est dans le monde du FBI. Ah ! Oh, Sous-Thomas ! C'est celle qui un coup elle est pour le FBI et après elle tombe sur quelqu'un qui lui fait croire qu'il travaille pour le FBI mais en fait c'est pas non, lui. Non, ça c'est Alias, ce que t'es en train de dire. D'accord, c'est pas lui, ok. Alias. C'était bien Alias d'ailleurs. Bon. Ouais, Alias c'était pas mal. Plaisir. Mais je sais pas. Waouh, pour le plaisir, t'as raison. Ah, cette musique, comment ça me fait trop flancher là, j'ai trop envie d'en venir mon slip. Alors c'était Remets-la. Missing, disparu sans laisser de traces. Oh putain, sans laisser de traces au fond du slip. C'est un truc de M6, de France 3 peut-être ça. Non, France 2 ou France 3. Non, c'est pas France 1. Non. Ah non, je confonds avec FBI porté disparu. FBI porté disparu. Tu peux la remettre ou pas ? Avec comment elle s'appelle Lily. Ah Lily, je sais pas quoi, elle a des bouts du dossier. Lily Hammer, c'est autre chose. C'est Cold Case à faire passer, non ? Cold Case à faire passer, ouais. Lily Rush. Elle a plutôt joué très bien à Rush. Santa Barbara. Ouais. L'année de la partie. Ça te barbera. 84. Pourquoi tu regardes ça ? Ça, c'est... J'adore la basse de slapper. Ça c'est Hernadette. Il utilise tellement pas tout ça. Trop bien. Je sais pas ce que c'est. C'est pas un truc de lycée. Alors là, je sais pas du tout. Je sais que c'est hyper connu, parce que quand j'ai lancé sur Mumble, ils l'ont trouvé aux 2 minutes. Je sais pas, c'est la première note. Elle est hyper connue, ce basse. Elle est tout Fuck the best player. C'était. Je sais pas. Senfield. Super, ah ouais, personne connaît. Version. Je connais le nom, en fait j'ai jamais entendu la bande. Je connais que le. Que elle est honnêtement, elle est super bien faite. Ouais. Xena la guerrière au bord derrière. Au bord derrière, ouais. À l'époque. Ouais, c'est la Xena. Ouais. Avec une jolie perdue aussi. Elle joue très jolie perdue. Voilà, c'est plus des yeux, c'est les globes. Ah, honnêtement. Ah, le. Amicalement vôtre. C'est bon. Anal amicalement. Simon Templar, c'est The Saints, non ? C'est ça. Chapeau melon et bottes de cuir. Il a enchaîné tellement vite que je. Anal amicalement. J'ai entendu Simon Templar. Quatrième dimension ? Ouais. Toilette Zone. C'est Toilette Zone, c'est quoi ? C'est Toilette Zone. Désolé. Tu peux pas tester. Tu peux pas tester. Pourquoi tu regardes ça ? 5. 4. Ah, les 5 dernières minutes. Les 5 dernières minutes, ouais. Ah oui, non. C'était excellent, ça, avec Raymond Souplex. Non ? Pas du tout. C'est un merde. Ah, les Sentinelles de l'air. Les Sentinelles de l'air. Ça, c'était bien. Exact. Ça, j'ai que j'étais gosse, mais j'ai ah ouais. Moi, j'ai connu ça sur le temps. Vous êtes bon, vous êtes bon. Je me dis, ah putain, regarde, c'est génial. Moi, j'adorais. C'est des monacs. C'est des Mais chérie, c'est des monacs. Code Quantum. J'adore quand tu faisais le mec qui joue au baseball, là il se regardait dans la glace, tu vois. Oui. C'est bon ça. Urgence. Urgence. Ah, ça c'est le carter. Allez aller voir Logan, ça t'y a fait penser. Non. Si. Ah, merde, putain. Le grand bleu. Mais non, c'est la série hyper connue. C'est hyper connu, non. Oh, ok, j'avais les vélos, femme. Avec les non, mais c'est avec les gros branques, le meurtre de la fille qu'on retrouve sur la plage, avec les gros maboules, le corsaire, l'œil pirate. Ah, enculé, je vais pas le trouver. Je vais me faire pourrir. Alors la parodie est ici. Ah, qui a tué Pamela Rose? Oui, mais ça c'est la parodie. C'est Twin Peaks alors. Twin Peaks. Voilà. Non. Après, il aura trouvé quelque chose et c'est quelque chose de bien. Je l'ai regardé, le soir pendant. J'ai regardé tout ce qu'il y avait de dispo sur Netflix avec ma femme le soir en mangeant. Les 10 premiers épisodes, ça allait. Après, à la fin, c'est là. C'est chiant. Pour rien. Mais non, mais tu. Mais non, c'est pas que c'est. Je déconne, je déconne. Non, non, mais je suis sur le mais... Attends. Moi, c'est comme Dominique. Je suis arrivé à la fin, j'ai regardé les 2-3 derniers épisodes, c'est comme ça. Je n'ai rien compris. Faut que je regarde la deuxième partie. Ou alors j'étais à jeun et du coup ça marchait pas. Oui, mais non, mais il y a des trucs. Mais après, c'est bon, c'est hyper marrant quoi. L'autre qui fait une fixette sur les tringles à rideaux, qui fait du rameur, qui dépoile tout. Mais oh, non, mais elle est pas bien quoi. Stargate. Star Q de Japon. L'agent sous risque. C'est vrai. Vraiment fort. Mission impossible. Bonjour monsieur Fab. Ouais. C'est vraiment fort. Hein. Attention. Ah, c'est Jean-Sébastien Bach. Non, c'est l'autre là, celle qui écrit des arabesques. Désolé, oui. C'est Jean-Sébastien Bach. Putain, ma grand-mère elle regardait ça. Non, mais le pire c'est que j'étais toujours au boulot, donc va savoir comment je connais ce générique. Ça fait la femme là, donc dès le générique, donc c'est chiant. C'est ça. C'est à peu près ça. Mais oui, ah c'est du zombie. Non. Manix. Non. Même qui valait 1 milliard. Non. Même qui valait 1 milliard. Ça sent l'antique. Buck Rogers? Non. Buck Rogers? Ça sent le péplum. Non. Bah c'est V. C'est pas V ça. J'ai pas fait exprès. Hein, c'est... Oui, il a pas fait exprès, il a juste dit ça. Bah oui. D'accord. J'ai rien dit. Hein. Ah non, j'étais pas resté sur ce générique, moi. Avec Michael Ironside si, et tout le reste. Celui qui joue Viper dans Top Gun. Je crois. Peut-être. Non, je confirme. C'est ça. Top Gun. Ça va arriver. Love and Married. Ah, mais ça c'est... Marié deux enfants. Avec Al Bundy. Ça c'était énorme. Oh, elle aussi, elle avait des yeux, elle était myope. Hein. Même vieille, elle a joué une autre série après, putain. Non, non, mais après, si les vieilles, c'est ton rayon, moi j'ai pas rien. Ah ouais, mais la maman. Mais c'était pas mal, ouais. Bah, c'est la blonde là, c'est qui jouait la fille. Maman, après, elle a regardé son tenue, ça. Je veux dire que la maman coupe du bois. C'est un podcast bien ou un podcast cul? Oui. Ah Dexter. Dexter. Putain Dexter. Merde. On ne dit pas d'animé. Ça c'est le problème, c'est que c'est des séries dont je connais les extrêmes et que j'ai pas vu. J'ai fait exprès pour une personne qui est pas là. Moi ça te plaît ça. Ah c'est pour Lucille. Lulu. C'est les frères Scott, t'as vu ça non? Du Dream, non, non. Ah, je connais. C'était. Inculez-vous. Véronica Mars. Oh, mais oui. Il y a que Véronica Mars qui a utilisé ça. Ah, je sais pas. Ah, tiens, oui. Elle aussi, elle avait des yeux. Ah, j'ai pas vu. Ah ouais, non, elle était. Pas encore vu ça. Elle était très très jolie, Véronica Mars. Oh yeah. Les flics, ils courent dans une ruelle. Et ça sur le capot d'une voiture. Tu sais que ça fait très beau. Je sais pas ce que c'est. Le film de Shanghai? Non. Non. Viper. Pas du tout. Jean-Claude. C'est un mec qui... Bernard. Le clown. Dans un bail mort. Dans un bail mort. Dans un bail mort. Patrick. Sexuel sonore. Il a... Yves. Dans son esprit, un programme militaire, il a plein d'informations... Ah, John Doe. Check. Ah mais John Doe, j'aurais pu le mettre aussi. John Doe, c'est j'avais bien aimé. Est-ce que tu as mis Monk? Tu verras. C'est pas fini encore. Mais ça va avoir les records là. Bah oui, on s'en branle, on est bien. Il y a plein d'heures, c'est pas grave. Putain, oui. Windows. Non. Moi si. On n'est pas prêt d'aller se promener. Je veux faire. Faut comme la dernière fois, on va se promener à 22h. Ah, parce que faut aller se promener après. Oui, histoire de sortir un petit peu. Six Feet Under. Ça fait du bien. Ouh, joli. C'est quoi? Six Feet Under. Ouais, il faut que je la regarde, cette série, il paraît que c'est génial. Alors là, il va y avoir rapidité. Tu m'as mis le générique de ce que c'est pour Gandalf. Quand ça sort de suite, c'est pour Gandalf. Ah, tais-toi, c'est horrible. Est-ce que c'est pas Black Mirror? Ouais. C'était t'es le premier. Black Mirror. Black Mirror. Ah ouais. Rick Hunter. Et oui, il y a un opening à Black Mirror. Ouais. Ah, dès que tu mets les séries récentes, moi, toi, les bonnes séries, je connais. Sur moi, Scrubs, et c'est bon, je suis au taquet. Rick Hunter. C'est du vieux. Ah oui. Là, c'est période de jeunesse, en fait. Truc à Miami ou... C'est bon ça comme musique, vas-y. Truc à Miami. Ah merde, de quoi tu veux parler? Trop bon ça comme musique. C'est ça. Est-ce que t'as mis c'est Joe pour Roger? Alors de Truc à Miami. Non, c'est... Aussi vieux. Mais de notre génération, nous. Hawaii... Non, c'est un mec et une fille qui font équipe ensemble. Ouais. Une brune en tailleur, toujours... Merde, c'est possible. Je me rappelle surtout du mec. Le clown non. C'est américain, ouais. C'est le mec, il est blazer, c'est un style années 80, c'est à la limite style années 80 Miami Vice. Dans leur coupe de cheveux. Bien, leur... la musique, j'aime bien. Merde, comment ça s'appelle? La musique me donne envie de voir la série, quoi. Je sais pas la série est nulle, de mémoire. La première saison était bien. Ça tient en deux mots. Ouais. Ah, dedans, il y a Falage dedans. Hein? The Hobbit. Falage, ouais. Mais pas forcément en français. Bitch, ouais, c'est... Ah oui, ouais, je pense voir... Putain, je vais le sortir, mais... Il va me falloir du temps. Non, je sais pas. Tu rames, bitch. Lilian. Non. Mais presque, hein. Tu rames avec une... Pagaie. Pagaie, bitch. Au bout de la pagaie, il y a une... Rame. Il y a de l'eau. Une palme. Il y a de l'eau. Palm Beach. Vous avez Palm Beach, ça me dit aussi, c'est ça. Palm Beach, c'est ça. T'es vraiment trop fort. Le titre me dit rien. Bravo. Je suis sur les deux mots, ouais. Palm Beach, ouais. Oh, c'est techno. Non. Là, c'est dans le même genre que Palm Beach, hein. Enfin, c'est la même période à peu près. Est-ce que c'était avec les pommes du vélo? Ah, putain. Non, c'est pas NIP, je sais plus quoi, blues... Ouais, NIP, blues. Ça se finit pas par City ou un truc comme ça? C'est musique! Ouais. C'est très. Ouais. Alors, la moitié du casting sont des bodybuilders. C'est pour ça qu'on danse. Et l'autre moitié du casting ont de jolis yeux. Ouais. D'accord. Et il y a des gros flingues! Merde, putain. Tu me casses d'ignorer que tu fais rabis, mais c'est bon. Ah, il y a Ariane qui essaye de trouver, mais elle trouve rien. Normal, Ariane, je suis trop rapide pour toi. Mais tu devrais le savoir. Ah, et puis en plus, ça date, hein. Parce que c'est à 35, il est 41. Si 6 minutes pour elle, normalement, c'est dans le timing. Mais je t'aime, Ariane, t'énerve pas. C'est la latence, c'est la latence. Ouais. C'est alors, la c'est latence. Agence 1-1. Ah putain, mais oui, ça y est, je me suis dit. C'est un truc de pub, merde. Non? Il n'y a pas une histoire d'agence de pub ou... Ah, peut-être, c'est peut-être la couverture. Non, c'est, C'est ça. T'es pas en train de regarder Shazam? Moi aussi, je t'aime. Toi, il n'y a pas 5 minutes. Tu vois qu'il n'y a pas 5 minutes de lag. Mais en même temps, ils ont pas le son. Mais je sais pas ce que c'est. C'est quoi? C'est Agence Acapulco. Elle a pas le son. Attends, mais elle essaie de trouver. Mais comment tu peux essayer de trouver si t'as pas le son? Explique-moi. Mais si, mais quand on donne les indices. Ah, d'accord. Agence Acapulco. Agence. Ah, c'était ça? Oui, Agence Acapulco. Demain. Après demain, peut-être. Je sais pas. Alors, vous l'avez dit tout à l'heure. Manix est devenu l'Empire du Crime. Seule arme de défense, la Viper. Et Viper. La c'est celui qui avait une Viper qui était grise et qui devenait rouge. Ou l'inverse. L'inverse, ouais. Ah bah ça, c'est ça te parle pas, Viper? C'est la grande époque de la Dodge. C'est sorti à l'époque de la Sony sur Gran Turismo où tout le monde voulait jouer avec la Viper. Oui, c'est même bien. Un peu avant. Alors, vous en avez parlé tout à l'heure, mais pourquoi vous me Tiens. J'ai mis un jingle pour justement pour pas que vous trouviez. Années 80. Avec la flûte, t'as pas un là. Ah ouais, à cherche qu'à partir de nos indices pourris. Merci. Véhicule. C'est une musique californienne. On a l'impression d'avoir le soleil, c'est un peu fondant. C'est pareil, pareil. Moi je donne des indices pour le chat. Désolé. Catcher. Ouais, c'est Hulk Hogan, c'est celui dont on parlait tout à l'heure, mais moi j'ai pas, pas le titre. Là, j'ai pas le titre, non. On a l'impression d'être dans une Jeep décapotable. Alors, Ariane, c'est une série télé avec Hulk Hogan et un bateau. Et un bateau qui se transforme. Yeah. Ah, ouais, un bateau qui se transforme et qui devient furtif. Ouais. C'est ça? Ouais. J'ai dû l'avoir vu sur les. Non, mais j'ai pas le nom. Là, j'ai plus le nom. C'est en deux mots. Catcher. Et il y a Offshore dedans. Ouais. Bah, en deux mots, offshore alors. Non, offshore c'est un tiré. Opération offshore. Non. Jean-Claude offshore. Non. Après le premier mot c'est une région, un endroit. Ontario offshore. Non. Californie offshore. Non. Mon cul offshore. Tahiti. Tarn-et-Garonne offshore. Peut-être. Tarn. Tarn offshore. Castres offshore. En fait c'est détourné sur le Tarn. Sur la goutte. Pareil. Sur la goutte. Ça tombe bien la forêt Tarn-tu. Sur les bords et tout ça. Pareil que Castres. Hawaii offshore. Californie. Presque. Californien. Presque. Californo. Presque. T'as les deux. Californication offshore. Californication. Californication offshore. C'était Caraïbes offshore. Ah, t'es trop fort. Ah ouais, ouais. Aujourd'hui, le meilleur générique du monde. Quand il va se lancer. Dr House? Non. Il aurait trouvé une demi-seconde de lui, Dr House. Ouais. C'est une musique qui commence avec une petite batterie. Non, Dawson, on l'a déjà dit. Une guitare commence. Roswell, hein? Non. Ça ressemble un peu à Massive Attack. Bah c'est pour ça que j'ai dit Dr House. Parce que je croyais que c'était. Il y a des gens qui viennent de très loin qui chantent les voix qui commencent à arriver. Oh, un peu celtique. Putain, mais oui! C'est une série. Qui a été. John Doe? Non, qui adapte. Un bouquin. Ah ouais, putain, super. Qui a été un film juste avant. Ah, Dead Zone! Ouais! Ah, bah, j'aurais pas trouvé. Je me souviens plus de ça, ça parle des cons. J'aurais pas trouvé. C'est un gars qui sort du coma, il a des visions. Ah oui, il a la coca là. C'est vachement bien mappé, il a fait. Smith. Ouais, c'est ça. Un truc comme ça. Ah. Monk. Ouais. Ah bah le voilà. Ouais, ça va, c'est bizarre. Non, je l'ai, mais. Ouais, enfin, mais je l'ai. Quand je l'ai dit tout à l'heure. Tonnerre mécanique. Non. Ouais, c'est Hunter. C'est ça. Ouais. Postar X, c'est Didi. Non. Cabine. Non, ou plus vite. Eh ben c'est ça, les STRL là. Extrême limite. Voilà, c'était ça le truc où ils étaient sur la côte, la côte d'Azur. Ah, ouais, ouais, ouais, ils faisaient de l'escalade, machin, tout ça. Au Cap Esterel. No. Moi je m'en garde un peu. Un peu. Bon, on l'a tué. Mais tu m'as mis ça dans mon verre à eau, toi. Ouais. C'est quoi? Code Lisa. Mais c'est celle qui avait de beaux yeux aussi. Ah oui. En fait, c'est une revue pour opticien aujourd'hui, c'est ça. Afle-loup. La suite, c'est pareil. Attends. Tu nous as pas mis la série avec le gars qui sont en train de chier et qu'on a jamais eu la fin. Alias. C'est Alias, ça. Parce qu'il y avait une série sur France 3. Avec Jennifer Garner. Moi, j'avais bien aimé Alias. Faire des trucs gentils pour redevenir. Mais j'aime pas trop, moi. Alias, c'était quand même la série. Je m'en souviens de ça. Tu comprends plus rien. Ouais, tu comprends plus rien, quoi. Sans bonne action. Ouais, c'est ça. Ça s'est arrêté à 40 et c'est ça, tu comprends plus rien. Bah moi j'avais bien aimé quand même, voilà. Oui, oui, non mais c'est ça, j'avais un peu parce qu'il y a une lueur, putain elle m'a trouvé et tout, puis l'épisode d'après, j'ai fait hop là, c'est bon. Mais à l'époque où c'était sorti à la télé, il n'y avait pas encore vraiment internet, quoi. Non, non. Tu étais obligé de les mater à la télé, quoi. Bonne, comme la campagne. C'était la fin de la musique. Ouais. Ah, le Cold Seamers, je suis l'homme qui tombe à pic. L'homme qui tombe à... Avec son gros 4x4. Ah ça j'ai déjà mis. Américain. C'est pas mal, mais super sympa. Mais en fait, Daktari. Non. Non. Alphari. Non. Alphari. Mais vous l'avez dit, frère. C'est pas Reptile. Non, c'est tout le temps. Truc. Non, c'est pas Mister. Il y a deux personnes. Mais. Fondy. Non. Non. Et Starkey. Non, c'est pas moi qui l'ai dit. Qui? C'est pas. Ah, mais c'est ceux qu'on a déjà trouvé, donc faut pas les redire. Ils sont deux, mais je l'ai déjà dit. Oui. Ta-ta-ta-la, Manitou. Chapeau melon, botte de cuir. Non, chapeau melon, on l'a déjà dit tout à l'heure. Moi, je l'avais dit, mais je l'avais mis dans le quiz, en fait. J'ai pas entendu, d'accord. Chapeau melon, avec Stéphie, une botte en cuir, ma pile et un... Ma pile, ouais. À noter qu'on est en train de battre le record, on en est à... John Steed. 2 heures... John Steed. John Steed, ouais. Plus c'est long et plus c'est con. Le mystère de Rust. Ouais. Avec celui qui, après, jouera Papy Boynton. C'est ça. Oui, pendant la deuxième... Hey, les têtes brûlées, The Black Sheep. Ah, c'était une bonne série. Laisse-le. Oui. Pendant la deuxième guerre mondiale, le commandant des marines, Greg Papy Boynton, était à la tête d'une escadrille de pilotes de chasse. Celle-ci était composée de marginaux et d'aventuriers qui devinrent une terreur. Je regardais ça avec mon père en 82. Ça repasse, mon père, il va. Ce qui est bien, c'est que c'est dans la période où les séries te décrivent l'histoire. Ouais. Il y a une partie parlée qui dit voilà. Et ça, je me souviens, tu vois, cette série restera jamais marquée. Je me souviens, on regardait ça avec mon père le samedi après-midi quand il rentrait du boulot. Il avait fini de manger, il avait passé une semaine de merde. Et bien le plaisir, c'était juste de regarder pendant 50 minutes les têtes brûlées. Mmh. Et ça, c'est aujourd'hui, tu me mets les têtes brûlées, tu me les mettras dans 30 ans, ce sera pareil. Ça, c'est bien. Un truc comme ça, les petits. Ouais, je coupe, il y a 20 secondes. Il reste 20 secondes. Daktari avec le lion Clarence. Qui louche. Ouais, le lion qui louche. Qui louche. À quand Flipper. Flipper. TDM. Internet. TDM. Les règles du jour d'Internet. Oui, c'est quoi? Ah, mais après ça va démarrer. C'est Beethoven. Beethoven. Après c'est bien TDM. Non, je crois que ça accélérait derrière. On était pas mal la dernière fois, il y a eu un petit twitch. Mais après twitch. Ça accélère normalement, non? Twist. T'as trompé. Enculez-vous la série. Où il y a eu les votes du public qui ont compté. Quoi? Oh non, là. Quoi? Là tu m'as perdu. C'est le plus grand cabaret du monde. Plus grand télécrochet et télécrochet. Oui. Avec Daniel Gilbert. The Voice. Non. Plus grand. Bon, plus grand. Plus large. Non, je sais pas. C'est pas France. Non, mais ces trucs-là, je vois. Eurovision. Eurovision. Ah oh, putain, mais oui. L'Eurovision. Ouais. Ah, mais je regarde pas ces trucs-là. Moi, c'est plus grand que ça, ma bite. ORTF. Ah oui. Ah oui, mais c'est l'hymne. L'animal. Ouais. L'animal, il y a plus. Ouais. T'as l'impression que ça a duré 20 ans et 6 épisodes qui ont diffusé. Ah, nanana, les experts. Manhattan, New York. Mon cul, ma bite, je sais pas. Frottis vaginal. Les experts frottis vaginal. Toucher rectal. Oh, je sais putain, pas. Ça c'est digital. Oh, mais oui, c'est yes. On est Caddy Nozzo. Caddy Nozzo. Encore. Libre pas, par contre, toutes les meufs et meufs. Ça c'est HBO. C'est vrai. C'est Windows. Band of Brothers. C'est le générique HBO ça. L'éjaculation des frères. Hyper récent. Ah bah alors j'ai sûrement pas vu alors. Du HBO hyper récent. Le Cage. Et non, le HBO. Le Viking. Non. Non. Je sais ce que Par c'est. Contre c'est joli. Je sais pas ce que c'est mais c'est joli. C'est, du, c'est, une, c'est, c'est une série HBO, mais ouais, c'est sûr. Vu les... C'est pas les revenants. Parce que le, l'intro c'est l'intro HBO qui a avant les... C'est le logo qui apparaît. C'est le logo qui apparaît de HBO juste avant les... Ouais. Merde, je l'ai. Alors, quoi vous donner comme indice? Pour Yanga, c'est l'adaptation d'un film. D'un film. Fargo? Non. C'est plutôt futuriste. Le truc du The Expanse. Under the Dome. Il est sur la bonne porte. C'est quoi? Mais ce que là, c'est, j'avais vu la bande-annonce, c'est un parc d'attractions futuriste où tout est géré par ah, robots et robots. Ah, oui, il paraît que c'est super. J'ai pas regardé. Très bonne série, faut regarder. Par contre, c'est très très bon. La musique est super. Ouais, ouais. Westworld, tout est bien. Avec Anthony Hopkins. Ah ouais? Oui. Oh putain, faut que je me jette dessus alors. J'adore cet acteur. Ah, Viking. Ragnar le Gebrog. Ah non, non, non, elle chante en anglais. Ragnar le Brog. Écoute, écoute. Ah bah non, tu l'as pas là-bas. J'ai déjà vu. Si, si, elle arrive là. Hein. Elle est magique cette chanson. T'as pas reconnu Freddy à 17? Non. Ah ouais, elle est magique. Cette intro là. Parce que ça, c'est une série. C'est vrai, t'as raison. Allez, un truc facile où là, ça a tombé direct. Scrubs. Docteur Who. Docteur Who, mais la 63. 63, c'est le jeu, c'est la tout, oh, le tout premier ingénieur. Ah, ouais. Ah oui, là je peux donner l'indice, c'est dans le quiz de Picaboo. Alors. Mais c'est la, tu vois, c'est une des rares séries que je n'ai jamais vue et dont je connais le générique. Oui, c'est parce que c'est mythique, c'est le genre de truc que tu peux pas passer à côté. Ouais, voilà. Tu peux pas passer à côté d'un truc comme ça, c'est pas possible. Ça, pour le coup, c'est geek, tu vois. Le Cage. Daredevil. Ouais. Putain, je les confonds toujours tous les deux. Pourtant, hein, entre un rouge et un noir, c'est raciste. On pourra couper ça? Non. Sur le garde, t'as dit on peut le couper. On le garde. Bah, en fait, c'est raciste parce que le rouge il est handicapé, c'est tout. Pour le con. Merci, merci, franchement, merci. Non. Il est pas handicapé parce que c'est race, c'est juste... C'est soft ça, il c'est quoi ça c'est... Soprano, c'est... Non. Les Sopranos. Soprano. Non. Non. C'est pas les Sopranos. Non, je sais pas, je l'ai pas vu la série. Moi. Je me dis c'est bien l'ambiance. C'est un truc c'est dépasse. C'est dans le même univers que tout à l'heure. Ça pourrait être l'ambiance. Finis ce putain de quiz qu'on a les chiens aux yeux. T'inquiète pas. Mais non, il est bien ce quiz. Je gagne, il est bien. Je sais pas ce que c'est. Ah, c'est quoi ce sexité là. Ouais. Ouais. C'est Jessica Jones. Ouais. Ah ouais, c'est bien ça, elle est bien cette série. Ça va être bien. Le méchant il est bien. Ouais, bah David Tennant. Quel connard. Mais quel connard, c'est le pire méchant, il est pire que Dark Vador. Non, David Tennant il est pas méchant. Si, même dans Harry Potter c'est un vilain méchant. Non, c'est pas un vilain méchant dans Harry Potter. Le méchant c'est un enculé. Il s'est juste non, il s'est fait voler sa place. Ouais, il s'est fait voler sa place. Il joue le gentil qui s'est fait voler sa place par Margaret Foley. C'est ça. Et qu'il le retrouve dans la malle alors. Il s'est fait enfermer dans la malle quand même. C'était limite Paul Narev quoi. Ah oui. Ali McBeal. Ouais. Ah oui. Non, mais ah, je me souvenais pas que c'était comme ça. Eh oui, c'est série, comment je comprenais pas. Le avec il avait, Liu. Avait sa tête et qui faisait peur là. Mais comment il s'appelle là, là. Comment il s'appelle celui qui. Mais oui, je sais plus où elle était, il me faisait peur, il y en avait un là, du il était énorme. C'était génial ça. Alors là, il y en a un qui va trouver. Moi j'adore. Ah putain, je suis mort. C'est le jingle de G80, ça. Ouais. J'ai essayé de tirer d'une série, ça s'appelle. Ça c'est bon ça. C'est même pas ça. Laisse jusqu'au bout. Tu vas prendre des trucs. Si, si, moi on a parlé, c'est une série. C'est un petit peu l'histoire de ta vie. Ah des gens qui s'enculent. Presque. L'autre, l'autre. Ah des gens qui se pénètrent. Des gens avec des jeux oubliés. Des gens qui se font enculer. Community au fond. Mais non. Hein Community. Non. C'est bon. C'est un homme et une femme qui recherche Man Seeking Woman. Un appartement. Ah, c'est ça. Je veux pas. C'est Man Seeking Woman. Je sais même pas. Tu m'apprends des trucs. Mais si, on en a déjà parlé. T'as juste oublié, c'est tout. Ça, on en avait parlé. On avait vu l'épisode 1 de Man Seeking Woman. Ah bon, moi je me rappelle pas. Je me rappelle pas l'avoir vu. Avec son ex qui sort avec Hitler. Hitler, un photo de lui. Y a pas un truc sur Netflix, c'est il est revenu ou un truc comme ça. Quelqu'un l'a regardé. Il est revenu. Ouais. Où il est de retour, c'est un film où c'est Hitler qui revient à l'époque contemporaine. Il est peut-être il est retour. C'est il est de retour. Hein. Il faut que je regarde ça aussi parce que ça a l'air bien tordu. Ouais. 10. Ouais. X. Bon, ça c'est hyper vieux. 80. Ah, Benji a sa chance. 80, moins de 95. Ou 95, 94. Ouais, j'ai ma chance. On a peut-être vu un épisode aussi ici. Je sais pas ce que c'est. Ça me dit quelque chose, mais je sais pas ce que c'est. C'est pas spirituel. Ça film, fait très ou... sauvage comme générique. Hein. C'est un peu dans le thème. Chérie, me voilà. Les pirates. Chérie, me voilà. Ça me dit quelque chose. Aucune idée, quoi. C'est si, parti dans si, le comique, si, là. Le chérie, me voilà, putain, ça me parle. Mais tu confonds avec chérie, fais-moi. Non. Chérie, me voilà. Il y a un truc, il y a un côté sauvage, un côté très. Un côté pierre à feu, mais. Très comique. C'est ça en fait. Vous, bah, c'est pas pierre à feu, mais. Non, mais. Vous êtes dans le. À peu près la même époque. Merde. Chérie, me voilà. Alors c'est en. Georges Lajeune. Tu vois pas des acteurs, mais ils sont. Ils ont des beaux costumes. Vraiment beaux. Et c'est, on peut pas appeler ça des costumes, mais. Ah c'est préhistorique. Oui, putain. Je vois pas du tout. Enfin, je vois pas moi du non tout, plus, ça. Quoi. Non. Il y a un petit bébé qui appelle son père. Mais c'est pas une dinosaure, là, je sais pas quoi. Là. Ah, je l'aurais pas. Je le vois, mais je l'aurais on pas. On donne notre langue au chat, quoi. Ça s'appelle dinosaure. Dinosaure, ouais. Mais j'avais jamais, même, mais même ça... quand tu dis le nom, je sais pas ce que c'est. Ah, moi, je vois à peu près. Recherche dinosaure. Et pourtant, c'est un truc que j'ai dû voir une fois, mais j'en ai tellement entendu parler. Avec les gamins. Que... Mais c'est en fait c'est des acteurs qui sont ils ont des costumes de dinosaures et ils font comme si c'était la vie actuelle. Mais avec dinosaures. Mais en, un peu comme The Silex and the City, mais bon, ça. C'est presque ça, ouais. Ouais. On a aussi vu un épisode ici. Alors c'est du ska. Donc ceux qui sont sur le chat. Ska Boudin. Les paroles de Nana. Oui. Non, c'est pas lui. Je veux dire, on est sans tout ici. Alors, non, bah, alors. C'est trop bien, t'as raison. C'est britannique. C'est britannique, ça? Ouais. Bah oui, c'est du ska. Alors. Comment vous aiguiller en vous perdant un petit peu. L'un des acteurs a été vu dans le Comte de Fer. Ouais. Chun-Li. L'autre acteur a été vu dans Broadchurch. David Tennant. Ça, c'était très très bien, Broadchurch. Mais ça m'avait pas du tout. Dans Broadchurch, il jouait le petit ami Ou alors c'est du rock, c'est Rory. Rory. Ah, non, Rory. Mais pourtant, c'est pas mal. Rory, hein. Tu vois. La musique est pas mal, ça. Ah, c'est hyper bien, tu vois. Peut-être surtout qu'il y a deux acteurs de Doctor Who. Ah, Rose. Ah, ça me parle pas de voir. C'est une série, on va dire, d'époque. Donc c'est les années c'est tourné maintenant, mais c'est une série contemporaine. Oui, c'est une série tournée maintenant, mais qui parle d'une autre époque. Donc... Je vous la remets parce qu'il y a un gros indice au début. Qu'est-ce que c'est que ce truc avec les Russes, là? Il y a un gros indice au début. Est-ce qu'il y a des Russes dedans? C'est le romance? Ouais. Trop romance? Non. Je sais pas ce que c'est. Non. Ça vient d'un proverbe. À Rome, c'est comme les Romains. Non, pas. C'est même pas, c'est plutôt comique. C'est plutôt comique. Ouais. On a vu un épisode ici. Ouais. Ouais. Ouais. Oui, c'est pas ça, Rome, là. J'ai plus dit trois personnes. Ouais. Et après, il y a une femme qui tourne ouais, sur les vies. Et dans la saison 2, la copine de la personnage principale, la copine française, elle parle avec un accent français. Et c'est hyper bon. Je sais que c'est une idée, ça fait des je l'aurais parce que c'était la bise. Putain, mais oui! Pas vu. T'es quoi? Plebs. Je sais pas. En fait, c'est une série parodique américaine sur des mecs comme si c'était de notre époque, mais ouais. À Rome. On retranscrit à Rome les galères de boulot, de merde, les copines qu'ils n'arrivent pas à voir. Ils repassaient à 10 minutes, là, ils se baisaient. Il est coupé ou on a fait le tour. Ça fait le tour ou quoi qu'ils se baisaient? Oui, il a peut-être fait le tour parce que ça fait 2h14. Ah, quand même! Ah, bah oui, le quiz. C'est fou ce que le temps passe vite! Le quiz est très très long. Ouais. Ah, mais c'est juste que j'ai. Hein? Alors. Ouais, mais c'est juste. Je vais vous dire Smoke de Dragon et Bilbo. Ouais. Sherlock. Bah oui, bien sûr. J'ai vu la semaine dernière, dédoublé par. Bénédicte Concombre Montre. Je m'en rappelle pas parce que c'est un film de merde. La série est pas mal, hein. C'est ça. Oui, je sais, mais ça dure trop longtemps, ce putain de film de deux. Ah, le Hobbit, ouais. Ah, le Hobbit, ouais. Non, mais la série de Sherlock, moi j'ai bien aimé. On peut en parler parce que c'est un scandale. IT Crowd. Ouais. Ça, c'est bien. C'est une série d'informaticiens. Voilà. Mais c'est super bien. Et quand on appelle l'outline, c'est est-ce que vous avez branché. Hello, IT. Ouais, d'accord. Okay. Have you tried to turn it off and on again? Le mec, il a un répondeur à la fin. Dès qu'il a son téléphone qui sonne. Yes, no. Malcolm. Bah oui. I don't know. Can you repeat? Ça, c'était une bonne série quand même. C'était drôle. C'est une série d'anthologie, ça. Ça a été écrit de ouf. Ça a pas pris une rive. Ouais, avec Heisenberg en. Voyez, non. Série française. Le village français. C'est Revenant. Non. Captain Marlowe. Non. Il y a plusieurs indices dans cette pièce. Mon cul. Ah putain, mais oui, je connais. Camelot. Non. HeroCorp. HeroCorp. C'est une série française. HeroCorp. Ouais, ouais, ouais. C'est par ah, père, c'est génial, les frères Astier. C'est Simon Astier. Mais il y a toute la bande, ils y sont tous dedans avec Doug. Oui. L'avocat c'est... qui sait pas mentir, Captain Shampoing. Captain Shampoing. Ex-Captain Acide. Brasier. Il peut, oh, il putain, peut je me l'ai refusé, mais il y a quoi, il y a deux mois. Ah, c'est énorme, avec courte manche. Captain Sport Extrême. Captain Sport Extrême, c'est Arnaud de sa mère. Il y a courte manche, ouais, il y a courte manche, il fait Captain Canada. Captain Canada. Ça aussi, c'est connu. Et il y a un indice ici. Mon cul. Non. Ça a été dit. Oui, ça a été français. Ça a été dit juste avant. Mais je pensais. Non. On dit Kaamelott, mais. Non, plus. Non, c'est pas Kaamelott. On dit Kaamelott, c'est que. Lizzie Compagnie. Ah oui, c'est normal. Lizzie Compagnie. C'est normal. C'est français ça. Ouais. Avec Albin Lenoir. Dans le noir, Force Mustang. Oui. Oh, d'ailleurs, qu'est-ce qu'il avait pris? Quand tu regardes Kaamelott et que tu regardes HeroCorp, tu te fais c'est pas possible, c'est pas mieux. Oui. Allez, il en reste 4. Allez, vas-y. Après celle-là. En vrai, je suis chaud. Mais c'est parti, mais en fait, il y a un gros moment de blanc, donc du coup. C'est très psyché, c'est un peu pas ça. Très psyché, très post-apo aussi. Non. Bon, ça me dit quelque chose, je crois. Ce sont des anthologies. Enfin, ah bon? Ah oui, un terme de. Chaque saison porte sur American Horror Story. Ouais. Ah oui, sur c'est un ça. Sur plusieurs thèmes. J'avais pas entendu. Et là, c'est le générique de la première saison. Il y en a un où il y a Lady Gaga qui joue dedans. Ouais, c'est dans Hôtel. L'avant-dernière. C'est pas la dernière saison, Hôtel ? Non, ils ont sorti là. C'est pas mal foutu d'ailleurs. Oui. Allez, un truc que vous allez peut-être connaître. Mon cul ! Le générique de. C'est la peur originale, ça ? Oui, mais ça vient d'une série. Merde, je sais pas. Ça vient d'une série, ça ? On a pas écrit aujourd'hui. C'est pas d'où vient notre propre générique. Le pire, c'est que je suis sûr que je la connais. C'est pas Viking. Oui. Non. Non. Et là, je suis bien fourbe parce que c'est pas vraiment le thème. C'est quand même. C'est pas le générique. Non, c'est pas un truc celtique sur le Moyen-Âge. Pas le Moyen-Âge. Ah putain. Alors attends. C'est vraiment Peaky Blinders, c'est pas ça. Non. De quoi ? Catholic ? Peaky Blinders. Oh non. Non, cet épisode est bien trop long. Non, il est non, il est très bien, c'était bien. Non, on est parti pour 2h30 à peu près. Merde, putain, j'arrive pas. Putain, mais 2h30. Les gens de Mogador ? Hein ? Non. Les gens de Mogador ? Je sais pas, je regarde. Sur le chat. Je lis ce qu'il y a sur le chat, hein. Les gens de Mogador, mais comment tu peux dire ça, Ryan ? Elle a pas le son. T'as pas le son et les indices sont pourris, comment tu peux dire ça ? C'est plutôt, ça ressemble plutôt à la musique des Schtroumpfs. Bah, elle a dit, elle a dit ça il y a 2 minutes. Comment vous mais je connais, hein. Vous connaissez pas les bonnes séries, ouais, bien sûr. On connaît les bonnes séries. On en reparlera lundi au boulot. C'est un préquel d'un livre qui a été adapté en film. Quel con. Vas-y, profites-en. Un livre assez connu. Ah putain, le pire c'est que le thème te met dans l'ambiance directe, tu le sais. C'est ultra celtique quand même. Ouais. Mmh. Oui, mais c'est pas vraiment une bonne piste. Mais c'est à peu près dans pas cette époque-là, mais c'est pas contemporain. Quoi. On en a vaguement parlé en tout cas du thème tout à l'heure, dans quoi qui se passe. Les Vikings. C'était celtique, les Vikings. Pourquoi on laisse parler dans quoi qui se passe. Plutôt le samedi. Plutôt le premier concert. Ah, voilà. Pirate. Hein. Voilà. Les pirates et Vodactin. Les pirates. Hein. Ah, Hein. La famille pirate. Oh putain, j'ai commencé à regarder une série comme ça qui s'appelait. Vraie question, pourquoi on peut pas entendre le son ? Et du coup, on est profité de vous dire. C'est uniquement parce qu'il y a un problème d'entrée-sortie, on n'a pas assez d'entrée sur le PC. C'est un problème technique, on a. T'inquiète pas, tu te feras le replay et oui. Tu rigoleras bien avec moi. On n'a pas fait un set. Un acoustique set. On va évoluer notre set la prochaine fois. La prochaine fois. Ouais. De toute façon, la musique là, c'est la musique du générique de l'émission. Enfin, donc, oui. À la rigueur, si tu veux, tu peux l'écouter. Et pas forcément, parce que là c'est justement c'est le petit piège, c'est pas le pire, c'est que ça me parle. Hein. C'est le générique, mais avec des variations. Ouais, c'est mal barré pour trouver, hein. Désolé. Et le thème. Mais de toute façon, nous on trouve. En fait, je peux faire 2h30 en fait. Il y a 20 secondes. Il a un objectif, hein, mais. Non, je. Déjà, on a fait un épisode un peu long, mais je le sens. Un épisode très long. J'arrive pas à voir ce que c'est. Alors, le prochain, on l'a fait de 2 minutes. Hein. Libertalia. Liberté, les Madagascar. Ouais, on a les pirates, l'histoire des pirates. Ouais, les pirates. Il y a eu un gros Pirates des Caraïbes. Qui a été adapté en film. Les naufragés du Bounty ou un truc comme ça. Qui parle d'un trésor. Pirates des Caraïbes. L'île au trésor. Trésor de la Table Rouge. Quoi ? L'île au trésor. L'île au trésor, Jack. Il y a une préquelle à ça qui s'appelle. Jacques et l'oreille magique. Moi j'aurais dit ma bite, mais non. Ma bite. Et vous passez pas par les micros dans lesquels vous parlez. Ben non, bah rien. Non. Non, on peut pas. On peut pas. On aimerait bien, mais on peut pas. On peut pas passer par les micros. C'est un. Quoi ? Alors L'île du trésor, c'est un bouquin de Jules Verne. Non, c'est. Non, c'est Stevenson. Oui, c'est Stevenson. Ça parle d'un trésor qu'il faut chercher. Ça vous l'avez. Mais... Non, au niveau des binous, ça passe très très bien, rien. T'inquiète. C'est le préquel qui. Ouais, ça finit depuis très longtemps. Et le whisky aussi est très bien, mais on a tout fini depuis très longtemps, c'est ça qui est dommage. D'ailleurs, il va falloir qu'on fasse la coupure pour passer sur le troisième. Reste avec ça, il faut qu'on recharge. On en aura des nouvelles, t'inquiète. Je sais pas. Franchement, je sais pas ce que c'est que ta musique. Ouais, putain, mais... Elle est belle, mais je sais pas ce que c'est. Moi, je connais les pirates, ils ont un bateau. Black Flag. C'est ça. Black. Sheep. Non. Black Sheep, non. Non, c'est, pas, c'est pas drapeau, mais c'est, je crois que ça veut dire fanion ou un truc du genre. Ouais, non, c'est pas... Black, flag... En fait, tu vas faire le... Flag, tu veux comme 2h30. Ça, c'est sûr. Non, mais après, ça va... Étendard, non. Non. Black Sheep. Non. Non, Black Sheep, Black, c'est le mouton noir. Vous l'avez pas. C'est pas Black... Black Mirror, on l'a déjà dit. Non, on l'a déjà dit, c'est pas Black Anus. C'est le drapeau noir. Black Anus, ouais, c'est ça. Ah, le nom du... Le drapeau en anglais, c'est flag, c'est bon ça. Il y a un autre mot anglais pour dire drapeau. Ah. El Presidente. Il y a un autre mot en anglais pour dire drapeau. On donne notre langue au chat, quoi. Ouais, vas-y, ouais. Pourtant, c'est simple, c'était Black Sails. Hein? Ah non, sails, c'est pas ça, c'est une flotte. Ouais. S-A-I-L-S. C'est navire, flotte, ouais, S-A-I-L-S, ouais. Ouais c'est flotte, navire. Je pensais que ça veut dire. Sailor, ça veut dire un marin. Sailor, c'est un marin, ouais. Donc c'était Black Sails. C'est la donc, flotte noire. La, bla... la marine noire. Ouais. En 4 saisons, le préquel. Black Sails, de... ah oui, d'accord. Oh, la vache. J'aime même pas que ça existait. J'avais jamais entendu parler de cette c'est série, moi. Bah, c'est hyper bien avec Jessica. C'est vieux Jennifer. Ah, voile, voilà, les voiles noires, ouais, d'accord. Voile. Ah, ok. Oh putain les gars, bravo. Déconnez pas, il y a les Flyers qui jouent. Hein. Bravo, bravo, bravo. Ben là, je suis... Le... Sail, en fait, ça veut dire no... voile. Voile, ouais. Donc un sailor, c'est un voileux. Un voileux. Un violonneux. Là, ça va être facile. Le désannusseur. De... Ça, je connais. Le désannusseur de comme mon... Comme la saison 6. Hein? Comme la saison 6. Oui. Non. Saison 5. Oui. Voilà. C'est ça, hein, c'est la plus sombre, mais c'est peut-être la plus intéressante. C'est la dernière saison. Enfin, ouais. C'est la dernière. Et c'est pareil, ah, hein, ça préceptrice là aussi. Ça, c'est... Pourquoi c'est marqué une fois 5? C'est la saison. Oui, c'est la saison 5, ça. Non, c'est... Avec Chicky Cario. Non, avant. Je sais plus. Avant. Non, c'est celle quand il retourne en... revient quand il est à Rome. Oui. Ouais, ouais, il se fait bombarder. Ça. Là, il y a tout. Il y a Patrick Chenet, il y a Pierre Mondi, il y a tout le monde là. Un sacré scrap. C'est ça. Ça. Oh. Là, vous trouverez alors jamais. Non. C'est bien, mais on ne trouvera jamais. C'est con parce que c'est bien. 90, hein. Plus 90. La première saison a été bien. Putain, mais oui! Ça dit que c'était bien! C'est ça! Très 90, ah, très évanescence français! Ouais, c'est ce que j'allais dire! Evan et France! Est-ce que tu... Alors, c'est Victoria Petrosilio! Alors, c'est Dark Angel, mais en français! Sous le Dark Soleil! C'est Ange Sombre! Voilà. Sous le Soleil? Putain, mais je connais en plus. Mais oui, mais c'est pareil. Alors, je vais vous sortir une phrase, vous allez trouver. Je vais vous sortir. Ah, je sais, le cher leader. Putain. Save the world. Heroes. Voilà, c'est le final français de Heroes. Avec Panetière, là, ou je sais pas quoi, là, Panetière. Ça n'est jamais vu, elle aussi, pourtant, elle est... je savais qu'elle allait dire quelqu'un, tu vois. Ah bah, non, il y a des fois, les suites de phrases... Elle aussi, elle est les yeux... C'est ça. Et là, dernière musique. Scrubs, t'as pas dit Scrubs, t'as pas dit Scrubs. Hein. Tout le monde disait qu'une femme médecin... Oh, Dr. Queen. Dr. Queen. Non, mieux que ça, Dr. Queen. Dr. Queen, femme médecin. Mais non, pas de goût, mais avec le... L'Indien, ouais, non, mais ça, c'est pour la couverture. Aussi. C'est pour la couverture. Elle maniait très bien le spéculum à l'époque. Le spéculum. Elle maniait très bien le spéculum. C'est belge, le spéculum. Bon, voilà, donc on est à 2h30. Donc, excellent. Et c'est un nouveau record. Quelle performance. Et il n'y a pas eu scrum, donc on jamais va continuer. Jamais Gandalf n'a été aussi long. Plus c'est long, plus c'est con. Hop, je crois que c'est à moi de clôturer à force. Hein. Ah bah. Oui. Il a lâché assez de bosse. On va quand même te remercier pour ce. Quiz d'anthologie. Pour ce quiz d'anthologie. Bah, vous avez cartonné avec vos quiz, les gars. Presque. Encore plus long que je pense que celui sur les dessins animés. Qui faisait. Pourtant, les dessins animés, j'avais 5. T'avais 5 palettes, je crois. J'avais 5 palettes pas complètes, là j'en ai 4 pas complètes. Et ben pourtant je pense qu'on a fait plus longtemps, ouais, ou, au moins aussi longtemps. Et on n'a jamais fait 2 heures. Non. C'est la première fois, oui. Et on est à 2h30. On est désolé pour cet épisode un petit peu trop long. Pas moi, moi je suis pas, non, moi je suis pas désolé. Déso, pas déso. Mais c'est pas encore fini parce qu'il va falloir se quitter en musique. Ah, ah, c'est là qu'on chante. C'est ça, on va se quitter en musique. C'est ça, et du coup... Qu'est-ce que c'est la musique? En ce temps-là, Jésus dit à Matthieu, descend du train et gonfle les pneus. Et maintenant, chantons. Ménage chaton. Et qu'est-ce qu'on chante? Alors, juste avant de chanter, on va faire des, les rappels d'usage de fin d'émission avec nos Twitter. C'est quoi la partie tout à l'heure, je crois. Suivez-nous sur Atapéro Original pour être au courant des sorties d'épisodes et de nos lives, de nos lives. Atazertov, Gandalf81, Astoa81 pour nos comptes perso. Personnel. Les invités, allez-y. Les invités. At roule avec touche, ROULEAVECTOSHU. Et at Benjir000, BENJIR000. C'est pas la peine, c'est pas la peine, c'est pas la peine de le dire. Wish 31, mais il est pas actif sur, sur Twitter. Voilà, non, il est pas actif. Donc, donc on s'embrale. Donc pour se quitter avec la musique, j'ai choisi une musique dont je pense qu'on vous reparlera un jour du groupe, puisqu'il s'agit du Boom Boom Satellite, comme a dit Gandalf. Boum boum satellite. En imitant la voix de Fastkill, le bien-aimé. Boum boum satellite. Boum boum satellite. Oh putain, oh putain. On a retrouvé Barry White. Oh, ben Barry Leblanc. Barry Leblanc. Avec la chanson Intergalactic, qui est une de mes préférées de Il est rachat, c'est dos deux. Eh bien, c'est... On se dit... À bientôt. À bientôt. À la prochaine, Mister R.